Soyez les bienvenus dès maintenant. Le standard est ouvert. Ça y est. Alors les standards sont à la machine à café. Pas de panique, on se détend. 0 870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Facebook. Il y a aussi l'application Manu dans le 6-9. Vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. On démarre la journée ensemble. On va s'écouter Vita et Slimane dans deux minutes. Mais avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Cyril Courchet. Bonjour, bon réveil, ça va aller mieux. Les éclaircies vont se cantonner au quart nord-ouest ce matin avant de s'étendre au reste du pays. Du coup, les dernières pluies dans le sud-est vont sortir du pays d'ici cet après-midi. On reste dans la douceur. 15 degrés au maximum en Bretagne, 14 dans le Grand Est, 17 en Auvergne-Rhône-Alpes, 21 en PACA. Le reste de la semaine s'annonce encore bien ensoleillé. Même le week-end aussi s'annonce beau. 13 novembre 2018, 3 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis, un hommage sera rendu aujourd'hui aux 130 victimes. Un cortège reliera le Stade de France au Bataclan, en passant par les terrasses des bars et restaurants parisiens visés par les terroristes. Aux États-Unis, le brasier meurtrier continue. L'incendie de forêt dans le nord de la Californie a fait 42 morts selon le dernier décompte macabre. Un bilan tristement historique pour cet état de l'ouest américain. Les vents rendent la tâche des pompiers encore plus compliquée. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie, il y a nous, la France, quatrième pays en termes d'accueil d'étudiants internationaux selon une étude mondiale publiée hier. Ça fait 343 000 élèves étrangers dans l'Hexagone issus de tous les continents. On est devant l'Allemagne, la Russie, la Chine ou le Canada. Une interview du chef de l'État avant la colère de la rue. Emmanuel Macron répondra aux questions de Gilles Boulot demain soir dans le JT de TF1 à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Il sera entre autres question de la hausse du prix des carburants avant la mobilisation de samedi partout en France. Spider-Man, les X-Men, les Avengers, Iron Man, les 4 Fantastiques, tous ces super-héros de bande dessinée signés Marvel, c'est lui qui les a créés, Stan Lee. Le scénariste américain est mort hier à l'âge de 95 ans et vous l'avez forcément déjà vu puisqu'il faisait des apparitions dans les adaptations ciné des BD. L'hécatombe en équipe de France de foot, Didier Deschamps doit se passer de Pogba, Martial, Lacazette et Benjamin Mendy, tous forfaits. Du coup, le sélectionneur appelle Sissoko en renfort et convoque pour la première fois Alassane Plea et Ferland Mendy. Les Bleus jouent un match capital vendredi aux Pays-Bas pour se qualifier en Ligue des Nations. Et puis la semaine prochaine, ils affronteront aussi l'Uruguay en amical au Stade de France. Autre blessé en tennis, Richard Gasquet. Il ne pourra pas jouer la finale de la Coupe Davis contre la Croatie dans 10 jours. Une tuile pour les Bleus, on perd notre meilleur atout. Yannick Noah doit divulguer avant 16h aujourd'hui sa liste des joueurs sélectionnés. Enfin, Buzz l'éclair et Woody sont de retour, enfin presque, hein, juste dans le teaser du prochain Toy Story. 9 ans après le 3e opus, on découvre enfin les premières images de ce 4e volet. Mais on va quand même devoir encore attendre un petit peu l'été prochain pour tout voir sorti du film le 26 juin. Fin de ce flash, il est 6h03 sur Énergie. Bon réveil, bon mardi, c'est parti pour Manu dans le 6-9. Bonjour Paulette. Au régime. Bonjour Glandu. Youpi. Bonjour Nico. On est là. Bonjour papa. C'est quoi ce genre de régime? Et bonjour tout le monde. Ça commence. Vous l'avez tous entendu comme moi? Bah ouais, oui. Paulette, c'est quoi au régime? Ah ouais, je me suis pesée hier. Ça va pas du tout. Oh. Ah oui, je me suis pesée avant. Attends, Paulette, reviens au centre de la pièce. Oui. Non, parce que ça. Rajoute pas, je suis déjà défaite. Hein. J'ai appelé toutes mes copines, je leur ai envoyé des photos. Des photos de quoi? Bah de moi, pour leur dire regardez, qu'est-ce qui s'est passé. Elles m'ont dit bah je sais pas. Ouais, t'as grossi? Ouais, j'ai pris 2 kilos. Wow. Mais comme ça, en flash, hein. Vraiment, je me suis pesée la semaine dernière. 2 kilos, c'est rien. Ah, 2 kilos, c'est rien. 2 kilos, c'est d'autres pantalons. 2 kilos, c'est d'autres t-shirts. 2 kilos, c'est faire les magasins encore plus. Mais du coup, t'as appelé tes copines et tout pour avoir du soutien, quoi. Ouais, c'est j'en ai pas eu du tout. Hein. Nous, on fait tellement pas ça, quoi. Non, bah, non. Du poids, je vais pas vous appeler, les gars. Moi, je vois rien, Paulette. Hein. Vraiment, c'est dans ta tête, peut-être. T'es comme hier. Les 2 kilos, c'est pas dans le cerveau, hein, ça, c'est sûr. Et donc, tu démarres un régime. Ouais. À partir d'aujourd'hui. D'accord, c'est quoi le régime? Ah bah je, tout est très léger, j'allège tout, et salade. D'accord, salade, et tu vas faire un régime comme t'essayes d'être vegan ou... Du coup je vais prendre vraiment du poids. Non parce que t'es vegan par intérim, hein, si tu fais ton régime par intérim ça va pas marcher. Non, je vais le faire sérieusement, je vais faire une pesée tous les jours, hein, je peux te dire. Une pesée. Mais pourquoi, c'est quoi le vrai problème? C'est que vous vous mettez la pression. Mais oui. Non mais sérieusement, 2 kilos, c'est que dalle, m'aurais dit j'ai pris 15 kilos en 2 jours, là je me dis il y a un problème, il y a une pompe à vélo quelque part qui rentre et qui gonfle. Mais... 2 kilos, et là ouais. Tu te mets toute seule la pression en disant 2 kilos, ah bah alors là maintenant j'ai mangé que de la salade. Donc forcément, ouais. Tu te mets la pression sur un truc qui est pas faisable, ouais. Tu vas le foirer, tu vas dire j'y arrive pas. Et il vaut mieux se peser une fois par semaine que tous les jours. Hein. Ouais, pas se peser. Moi je me pèse pas, je grossis pas. Hein. Bah tu sais pas. C'est le principe justement. Ouais, c'est ça, oui, mais Glandu, regarde le truc. Ouais. Il se pèse pas. Ouais. Il dit je grossis pas parce qu'il en sait rien et qu'il est bien. Tu te sens bien. Ouais, je suis bien. Ouais. Il a quand même un peu de bidon, il le sait pas. Mais arrête ça. Mais il se sent bien. Mais moi, Manu, je le sentais. Hier, mon pantalon, il faisait que sourire. C'est vrai qu'en revenant des Energy Music Awards, ils nous ont dit qu'il y avait un surplus de bagages. J'avais une grosse valise, c'est pour ça. On a été obligé de mettre Paulette en soute. Mais. N'en profite pas, Manu. Oh là là là là. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Ouais. Mais franchement, vous mettez trop la pression. Ouais, okay. Mais t'as beau me le dire, ça passe pas. T'as le droit de te dire, j'ai 2 kilos en trop. Mais c'est quand même fou de se dire, je vais faire un régime, je vais manger que de la salade. Et pendant 4 ans, ça va être comme ça. Et j'appelle toutes mes copines. Ouais. Je préviens les pompiers. Et je vais appeler l'AFP pour faire une dépêche. Mais tu te rends pas compte, pour nous c'est terrible. Mais vraiment, moi quand je rentre pas dans un pantalon, j'ai vraiment envie de pleurer. Hein. Non, mais c'est normal parce que vous achetez 1000 pantalons, donc évidemment, ça c'est mon Dieu, c'est les fringues, c'est le budget. Donc, non, mais c'est pas possible. Ouais, tu mets juste en place des petits gestes, genre tu montes à pied au lieu de prendre l'ascenseur. Là je vais à la radio, je vais tout faire dans l'escalier, chez moi pareil. Tu te mets la pression. Tu vas monter les 6 étages à pied. Bon, d'accord, je vais faire les magasins alors du coup. Je vais acheter plein de fringues. Franchement là on a perdu 3 minutes. C'est quoi? Je vais te dire un truc, tu nous dois 3 minutes de vie. Merde. 6h07, dans 3 minutes les amis, il y a pire que vous. Sauf peut-être une personne ici. Ça s'appelle les concons du jour. Je vais vous raconter leurs histoires. Il y aura un concon olé olé. Ah bon, attention un petit peu là. Pour démarrer la journée, un petit peu. Oh, une belle histoire, un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Oula, sans canailler. C'est dans 3 minutes, juste après Vita et Slimane sur Énergie. Bienvenue. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire. Quand t'es pas là, je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là, quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Bienvenue sur Énergie, il est 6h10, on va s'écouter Kygo et Imagine Dragons et on va se rappeler que nous sommes tous des ouin-ouin. Ah oui. Ah. Quelle est la chose que vous avez faite dernièrement et vous dites ah mais je suis con là. Ouais. Ah. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'on est ouin-ouin. Ouais. Au moment où on dit ah mais là je suis con quand même. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler maintenant, n'ayez pas honte, on est tous des ouin-ouin. Ouais. Mais avant ça, au-dessus des ouin-ouin, il y a les concons. Ah oui. Et les concons nous permettent de nous dire que nous, on est juste ouin-ouin. C'est ça. Les concons du jour, c'est tous les matins aux alentours de 6h10. Je vous raconte trois histoires de gens improbables qui ont fait des choses improbables. Nous démarrons au Zimbabwe. Écoutez cette histoire. Une femme attaque son ex en justice. Ouais. La raison, son trop grand zizi lui aurait élargi le tralala. Oh mais non. Oh, mais au point qu'elle doit faire de la chirurgie. Wow. Et elle lui réclame 8000 euros. Elle dit, je cite, « qu'aucun homme n'a réussi à combler l'espace qu'il a laissé. » Mais quoi ? C'est ouf ! C'est ouf. Sauf que, c'est peut-être pas complètement vrai l'histoire, puisque le mec était marié, il l'a quitté pour retourner avec sa femme et qu'elle ferait tout ça par vengeance. Ah, oh non. Okay. Moi, franchement, à la place du mec, je préfère l'histoire du trop grand zizi. Ah bah oui. Autre concours du jour, ça se passe aux États-Unis. Une voiture de police roule tranquillement sur la route. Et d'un coup, elle voit une voiture arriver par derrière, klaxonner. Les policiers disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ouais. Et le mec, en fait, il n'y a pas de souci. Il double la voiture de police et il trace. Oula. Donc là, les policiers, oula, il y a un problème. Et ils mettent le gyrophare et c'est parti, ouais. C'est parti, parti. Ils l'arrêtent. Sauf que l'autre, il continue à tracer. Finalement, ils arrivent à l'arrêter. Et la raison de tout ça, c'était, alors là, je cite encore une fois le mec, il ne voulait pas être en retard au boulot. Mais non. Alors il l'a été du coup. Ouais, ah, oui, on a réussi, ouais. Voilà. Dernier concours du jour, nous restons aux États-Unis. Un homme entre par effraction dans un zoo muni d'une fourchette à la main. Ouais. Il arrive à rentrer là et il profère des mots sur Satan. Ouais. En ordonnant au guépard de manger le gardien. Voilà. Sauf qu'évidemment, les guépards n'en ont rien à foutre. Oui, oui. Voilà, ils n'ont pas bronché. La police est arrivée et là, il leur a lancé sa fourchette. Ouais. La police a tasé le mec, ils l'ont embarqué. Ouais. Wow. Voilà. Quand il est bourré, Tarzan il est relou. Hein. Allez, 6h12, on revient tout de suite. On va s'écouter Kygo avec Imagine Dragons. Et on vous prend au téléphone au 0870 42 48. N'hésitez pas à venir avec nous, à tout de suite. Manu dans 6-9. Manu, et c'est ouin ouin. Manu dans 6-9 sur Énergie. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer, si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balque. De noche me flow como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente marcha, Bogotá va a rumbear y Boga va a danzar. No llego todo ya, Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente marcha, la gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pura, vamos a romper. Venezuela que lo muevan. Con la mano para arriba. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Que lo que Reptilian Boat Moller. Que lo que la Hindi Mashup. Bonjour, c'est Hélène Ségara. Je n'ai qu'un regret dans Incroyable Talent, c'est que Manu n'ait pas participé avec son tour de magie et ses plumes dans le... Enfin bref, vraiment c'est dommage. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'ai effectivement un petit tour mais qui est... Je le garde chez moi. Ah ouais, d'accord. Ce soir dans la France, un incroyable talent, c'est sur M6. Alors écoutez bien, on nous annonce le meilleur magicien pickpocket français. Ah ouais. Un rugbyman devenu baryton et... Le recordman du monde de gobage de flanc. Il y a vraiment que les gens qui ont rien à voir, quoi. Non, alors, c'est ouf. Le gobage de flanc, c'est que ça peut être drôle. Tu te dis, je vais le regarder, mais si t'es sélectionné pour la demi-finale et la finale, qu'est-ce que tu proposes d'autre comme numéro à part gober des flancs? C'est vrai. Et même au-delà de ça, qui irait voir un spectacle de 2 heures d'un mec qui gobe des flancs? C'est pas fou. C'est rigolo quand tu le fais à ton cousin, tu vois ce que je veux dire? Mais... Deux fois, deux heures, je sais pas. C'est vrai. 6h17, Kygo Imagine Dragons tout de suite sur Énergie. Et juste après, on vous prend au téléphone au 0870 42 48. Nous sommes tous des ouin-ouin. Quand est-ce que vous vous êtes dit, ah, là je suis un peu con? Eh bien c'est ça. C'est ce moment-là qui nous intéresse. Vous nous appelez, on vous prend au téléphone dans 3 minutes. I know I've given up. It's not something to ignore. You take me for sur Énergie, il est 6h20, on va s'écouter George Ezra. Ouais. Ça arrive pour vous dans 3 minutes, mais avant ça, Nous sommes tous des moins moins. Ouais. Ouais. Ouais. Nous avons tous des moments dans le monde où on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible d'être aussi con. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 69. Il y a Fleur qui nous dit, mon copain devait venir me chercher à la gare, j'ai cru reconnaître sa voiture, je suis rentré dans la mauvaise. Quelle est votre histoire de moins moins, Nico? Moi j'étais un gros moins moins samedi soir au Energy Music Awards. Ah bon, en fait, pendant la cérémonie, toi, en fait, Manu, t'as remis un prix vers la fin de la soirée avec Koé. Oui. T'es monté sur scène. Meilleur moment de la soirée, on peut le dire. Ah, franchement, ouais. Vraiment, c'est clairement, c'est ce qu'a buzzé. Les audiences, tu regardes les audiences. Effectivement, ah, bah, c'est ce moment-là. Les gens n'ont même pas donné la liste Energy Music Awards. Ils ont pris notre texte et ils l'ont mis un peu dans le monde. C'est ça. Bon, du coup, moi, j'étais dans la salle, j'étais hyper content que tu montes sur scène, donc j'ai dit, bah tiens, je vais te filmer, quoi. Et j'ai voulu te filmer pendant tout le truc et je te filme pendant tout le truc. Et en fait, je me suis rendu compte après, en regardant la vidéo, que je m'étais planté en appuyant sur le bouton. En fait, j'ai filmé 5 secondes de mes pieds et quand t'es monté sur scène, j'ai arrêté la vidéo. Ah, le classique. Ah, ah ouais. Je crois que je filme et je filme avant et après. C'est ça. Donc, je regarde la vidéo, je dis putain, c'est bizarre, il manque un truc. Bah ouais, c'est voilà, j'ai été moins loin quoi. Super. Tu as gardé la vidéo? Oui, je l'ai. Bah, tu peux l'effacer. Émilie est avec nous. Bonjour, Émilie. Bonjour, Manu. Bonjour, les moins loin. Salut. Coucou. Coucou. Bienvenue sur Énergie, Émilie. Tu as été moins loin, toi aussi, on t'écoute. Eh oui, alors moi la dernière fois que j'ai fait une pâte à crêpes, j'ai oublié de mettre le couvercle sur mon robot et j'ai repeint ma cuisine de pâte à crêpes. Ah, c'est le problème quand quand tu veux utiliser le mixeur et tu te dis ça va y aller, j'ai pas besoin d'appuyer fort. La première fois que ça part de partout, c'est compliqué. Hein. C'est ça. 1000 ans pour nettoyer après. À ce moment-là, il faut que personne te parle. C'est mieux quoi. Non, laissez-moi, je dois refaire la pâte à crêpes, je dois nettoyer ma cuisine. Merci de nous avoir appelé, Émilie. Isabelle? Bah alors moi j'ai attendu l'ascenseur qui mettait donc une plombe à arriver, donc je commençais à m'impatienter, j'en avais marre, et puis d'un coup je me suis rendu compte que bah juste j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Effectivement, j'en ai un, je pense être le champion des ouin-ouin aujourd'hui. C'était pas moi qui étais ouin-ouin, c'est mon ex. Alors je vous explique. On avait rendez-vous chez moi, d'accord, hier, et elle arrive avant moi. Donc moi je suis le temps que j'arrive, elle arrive, elle a pas les clés, donc elle reste dehors. Je vais simplement vous lire les messages. Ouais. Vas-y. Attention, message qu'elle m'envoie. Je viens de me taper la plus grosse honte qui soit. Moi j'envoie point d'interrogation. J'ai oublié que tu n'avais plus la haie. Parce que chez moi, en fait, ma haie, c'était les tuyas, ils étaient morts, il fallait tout raser et remettre une haie. Ouais. Donc avant de remettre la haie, tu rases tout. Ouais. Okay. Donc il n'y a plus de haie chez moi. J'ai oublié que tu n'avais plus la haie. Je suis sorti de la voiture et comme je me faisais pipi dessus, j'ai baissé mon pantalon et j'ai fait pipi devant. J'ai relevé la tête et j'ai vu 3 petits points de suspension. Donc moi je dis mais non, 3 petits points de suspension. Et elle me répond mais si, 4 points d'exclamation. Et j'ai vu que je faisais pipi devant tout le monde. Ah non. Elle me dit message suivant, genre les voitures passées et voilà la honte. Incroyable. Et moi j'ai envoyé mais on t'a vu? Elle me dit oui, c'était trop tard. Ah oui, bien sûr, la honte. Wow. Oh. Ouais, la réputation dans le voisinage quoi maintenant. Ah bah oui, mais enfin c'est pas moi. Ouais. Les gens vont comprendre pourquoi c'est mon ex. Voilà. Oh, allez, 6h23, on va s'écouter Dead Jou. Wow. Bienvenue sur NRJ, c'est Manu dans le 6-9. La vie n'est pas facile pour tout le monde, vous savez. Ah non. La maison de la dame qui fait pipi devant tout le monde. Bon, et bien sur Energy. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble, on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes, je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis. T'es mieux que ça va l'hôtel. Il m'en veut pas de me méfier. Homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Quelqu'un, J'ai pris sur ta main, veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. J'ai pris sur ta main, veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, en famille. Un peu d'amitié, si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. 6h26. Bienvenue sur Énergie, on revient tout de suite. Après les infos, on va s'écouter Georges Ezra. Il y a les sondages du matin qui arrivent. Et on continue à se dire qu'on est ouin ouin. Ah oui. 0870 42 48. Ou sur Twitter avec le hashtag Malu dans le 6-9. Quel a été l'un des derniers moments dans votre vie où vous vous êtes dit, ah là j'ai été ouin ouin. Il y a Alexia sur Twitter qui dit, j'ai acheté le dernier Call of Duty sur Xbox pour mon copain alors qu'il a une PS4. Oh, un bon truc. Oh ah, cool. Allez, on revient tout de suite. Malu dans le 6-9. Il s'appelle Manu, on l'écoute le matin. Avec ses ouin-ouin, c'est une bande de copains. Je vous aime à mourir. Sous Énergie. Y a pas une note de juste. À tout de suite. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Toute la journée. Matmut présente la solidarité. La solidarité ? J'ai une entreprise à faire tourner, moi. Ce qu'il me faut, c'est une complémentaire santé pour mes salariés. Mais ils ont tous des besoins différents. Alors, je fais comment ? Appuyez-vous sur une valeur sûre. À la Matmut, la solidarité, c'est vous proposer Océane Santé Collective, la mutuelle d'entreprise que chacun de vos salariés peut personnaliser selon ses besoins et ceux de sa famille. Sûr ? Sûr. Je vais dire que l'idée vient de moi. Matmut, ma valeur sûre. Complémentaire Océane Santé Collective, assurée par la mutuelle Océane. Coordonnées de l'assureur, disponible sur matmut.fr et en agence. Pendant ce temps, chez Renault... Ah, top ! Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Leclerc. Juliette, tiens-toi prête. Leclerc nous invite à vivre Légende de la Force, une célébration Star Wars à Disneyland Paris. Comment ça, mon commandant ? En participant au grand jeu concours Disneyland avec des invitations galactiques à remporter et surtout un séjour VIP pour 4 personnes dans le luxe ultime du Disneyland Hotel. Génial ! Allons vivre les Légendes de la Force ! Du 23 octobre au 15 décembre, participez au grand jeu Disneyland Paris. Dès 30 euros d'achat ou pour 2 produits partenaires achetés. Voir modalités dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. En route pour de nouvelles aventures ! Tous chez Leclerc ! La Poste Mobile présente l'immanquable Noël. Immanquable ? Pourquoi ? Parce que le forfait 60 gigas sans engagement est à 9,99€ par mois à vie au lieu de 18,99€ par mois. À vie ? Oui, à vie, avec la maxi remise box plus mobile. Ça, c'est cadeau. Jusqu'au 26 janvier 2019, à la Poste Mobile, pour toute souscription à Inbox, ne manquez pas notre forfait SIM 60 gigas à prix magique. Rendez-vous en bureau de poste. Remise appliquée à vie à compter de la deuxième facture mobile qui suit l'activation des deux offres box et mobile et sous réserve de ne pas résilier l'offre box. Voir conditions sur lapostemobile.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Avec les jours Peugeot Pro, maîtrisez l'impossible. Vos compétences sont uniques et votre métier spécifique. Les experts Peugeot connaissent parfaitement votre activité. C'est pour cela qu'ils construisent avec vous votre projet d'utilitaire sur mesure pour qu'il s'adapte précisément à vos besoins. Pendant les jours Peugeot Pro jusqu'au 30 novembre, découvrez le nouveau Peugeot Partner et le véhicule utilitaire de l'année 2019 et profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Tout le monde connaît son nom. C'est Bumblebee. Transformers. Ou presque. Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee. Non, Bumblebee. Le robot le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Voilà Bumblebee, le 26 décembre au cinéma. Sur Énergie, découvrez les services d'EDF Entreprise qui simplifient l'activité des pros. Désormais, pour bénéficier d'offres de fourniture d'énergie adaptées à la consommation de votre entreprise ou simplement poser toutes les questions liées à la performance énergétique de votre activité, vous pouvez contacter EDF Entreprise au 3022. Nos conseillers sont à votre écoute, alors n'hésitez pas, un seul numéro, le 3022. Service et appel gratuit. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Leclerc. Juliette, tiens-toi prête. Leclerc nous invite à vivre Légende de la Force, une célébration Star Wars à Disneyland Paris. Comment ça, mon commandant ? En participant au grand jeu concours Disneyland avec des invitations galactiques à remporter et surtout un séjour VIP pour 4 personnes dans le luxe ultime du Disneyland Hotel. Génial ! Allons vivre les Légendes de la Force ! Du 23 octobre au 15 décembre, participez au grand jeu Disneyland Paris. Dès 30 euros d'achat ou pour 2 produits partenaires achetés. Voir modalités dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. En route pour de nouvelles aventures ! Tous chez Leclerc ! Ce temps chez Renault. Ah, top ! Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 6h32, tout va bien, on est en retard, c'est bien, on est détendu. Oh, on est Manu. Ça, bah quoi, Manu? Bah écoute, c'est un effort quand même. Allez, 32, c'est pas 30. Ouais, mais on est dans le même bateau, Isabelle. Et oui. Et j'ai l'impression qu'Isabelle, elle est déjà partie dans l'eau. Hein. Jean Gesra arrive dans 2 minutes. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Cyril Courchet. Bonjour et bon réveil. Les nuages et la pluie s'en vont. Les éclaircies reviennent par le nord-ouest du pays ce matin avant de s'étendre au sud-est dans l'après-midi. Le beau temps qui fait grimper le mercure jusqu'à 15 degrés aujourd'hui dans le Calvados, 15 aussi dans l'Ain et en Dordogne, 22 en Corse. Et une bonne nouvelle, les prochains jours s'annoncent tout aussi agréables. C'était le père des super-héros. Stan Lee, le créateur des Avengers, de Spider-Man, des X-Men ou de Black Panther, est décédé hier à Los Angeles à 95 ans. C'est lui qui leur a donné vie dans les comics. Il faisait même des apparitions dans les films Marvel. Beaucoup de réactions à sa disparition, notamment d'acteurs de super-héros ciné, de Hugh Jackman à Chris Evans, en passant par Tom Holland et Robert Downey Jr. Dans le reste de l'actu, un jour pas comme les autres. On est 3 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis. Le 13 novembre 2015, 130 personnes étaient tuées par des terroristes au Stade de France, au Bataclan, sur les terrasses de plusieurs bars et restaurants parisiens. C'est donc une journée de commémoration ce mardi. Des agriculteurs et des éleveurs touchés de plein fouet. La sécheresse a frappé la France cet été et cet automne. On estime les pertes entre 2 et 300 millions d'euros. 75 départements vont déposer un dossier de reconnaissance de calamité agricole. Ça permettra aux exploitants de toucher des indemnisations. À présent, un conseil au Père Noël. C'est maintenant qu'il doit acheter les cadeaux. C'est ce que révèle un comparateur de prix sur Internet. En étudiant l'évolution des étiquettes l'an passé, les jouets sont en effet moins chers 6 semaines avant Noël. Par exemple, un déguisement pour enfant acheté à 30 euros pendant le Black Friday, qui est dans 10 jours, peut grimper ensuite à 75 euros au moment des fêtes. Elle s'entoure des meilleurs pour son comeback. Ellie Goulding fait enfin son retour en musique avec Close to Me, son nouveau single en collaboration avec Diplo et le rappeur Swilly. La Britannique s'était accordé une petite pause en 2016. Elle a fermé ses réseaux sociaux, boudé les studios pour se recentrer sur sa vie personnelle, se fiancer, mais aussi offrir du temps aux autres. Je me suis beaucoup impliquée dans une association qui vient en aide aux sans-abri à Londres. La situation est urgente chez nous. C'est une cause qui m'a toujours tenue à cœur, avec le rêve que peut-être, un jour, on pourra éradiquer totalement la pauvreté dans nos rues. Je m'implique aussi auprès des enfants pour leur faire comprendre les enjeux du changement climatique, pour qu'ils prennent conscience de l'impact du plastique sur la nature et de l'importance de recycler ces déchets. Je collabore notamment avec les Nations Unies et je suis heureuse d'avoir pu m'investir à fond sans être interrompue par mes tournées ou par la sortie de nouveaux titres. Voilà, pour cette interview signée Morgan Barthélémy, et le quatrième album d'Ellie Goulding est en préparation. Voilà pour l'essentiel de l'actu, il est 6h35 sur Énergie. Bon réveil, bon mardi, c'est bien sûr Manu dans le 6-9. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes, ce serait juste... Ça arrive à tout le monde de ne pas réussir à faire des phrases. Ouais. Ça m'arrive plus souvent qu'aux autres. On va s'écouter Georges Ezra, voilà ce que je voulais dire. Ça arrive dans 2 minutes, juste après ce seront les sondages du matin et on continue à se rappeler que parfois, oui, nous sommes tous des ouin-ouin. Quel est l'un des derniers moments où vous avez dit « Oh là, je suis un peu con d'avoir fait ça ». 0 870 42 48, il y a Twitter aussi, hashtag Manu dans le 6-9. Greg qui dit « J'ai confondu le sucre avec du sel lors de la préparation d'un gâteau ». Ah merde. Le message n'est pas terminé, il y a 3 petits points de suspension avec « C'était immonde ». Ah bon oui. Alors vraiment, c'est étonnant. Glandu. J'en ai eu un beau, moi, jeudi dernier. Je suis allé chercher un colis que j'avais reçu dans un point relais. Et donc, je demande mon colis. Et là, le mec me dit « Mais monsieur, vous êtes passé il y a 2 heures ». Et effectivement, j'étais passé il y a 2 heures. Tu avais oublié que tu avais été chez toi. C'est la conversation que je vais souvent, puis j'étais un peu tête en l'air. Donc j'avais juste oublié. Quoi. Ah ouais, là quand même. Et du coup, je l'ai eu qu'une fois. T'es pas prêt à avoir un enfant que tu vas chercher à l'école, toi. Ah, je pourrais l'oublier. Ouais. Julie, bonjour. Bonjour les Wouin-Wouin, bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie. Quel a été l'un de tes derniers moments? Je suis Wouin-Wouin. Alors, moi, j'ai attendu pendant 10 minutes que mon fer à lisser chauffe. Je me suis énervée parce que je croyais qu'il était cassé, mais en fait, j'avais oublié de le brancher. Voilà. C'est drôle, on dirait mon ex avec l'imprimante. Sauf qu'elle, elle hurlait en disant « Mais elle est encore cassée !» Non, elle est encore pas branchée. Merci de nous avoir appelé, Julie. Belle journée à toi. Paulette, un moment. Oui, je me suis gratté la jambe juste après avoir enfilé mes nouveaux collants. Donc j'ai fait des trous. J'ai fait 4 trous. Ah, excuse-moi, parce que je ne m'y connais pas en collant. Je ne comprenais pas le truc là-dedans. Je me suis gratté. Tu le sais, quand tu mets les collants, tu te grattes plus les jambes. Ou alors tu te grattes sous le collant. Mais pas dessus. Je ne mets pas de collants. Et bien, faut que tu essaies, tu verras. Ça coûte cher les collants? Ça coûte très cher. Ça coûte entre 7 et 15 euros. Ça dépend quel 15 collant. Euros un trou. Ah oui, si tu veux que ça fasse un peu des fesses bombées. Ça devient compliqué. Question bête, pourquoi vous mettez les collants? Pour avoir chaud finalement en hiver. Ah d'accord. Et mettre des jupes, sinon on mettrait plus de jupes. Ah ok. Ah bon. Bon. Ah moi je croyais que c'est parce que vous étiez mal épilé que vous mettiez ça pour cacher. N'importe quoi, non. Ça se voit. Ah, je croyais que c'était un cache-misère. Ah, t'as raison Glandu. Ouais. En fait, vous êtes mal épilé mais vous faites croire que c'est pour avoir chaud. N'importe quoi. C'est ça. On a bien compris votre petit jeu. N'importe quoi. Oh la faire, elle est gênée. Elle est gênée la poilue. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent, juste après Georges Ezra sur Énergie. Bon réveil. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Like a someone, a someone, a someone, a someone. 6h41, bon réveil sur Énergie. Une question très simple à vous poser. Oui. Qu'est-ce que vous êtes déjà pris sur la tête? Ah oui, c'est simple. Oula, ah oui, c'est simple. Okay. 0870 42 48, voilà, mm-hmm. Un bon sujet. D'accord. Qu'est-ce qui vous est déjà tombé sur la tête? Ça peut être okay. Un truc qui tombe du ciel, ça peut être quelqu'un qui vous lance quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes déjà pris sur la tête? Partageons nos trucs qu'on s'est pris dans la tête. Ah, 0870 42 48, vous pouvez nous appeler, on va s'écouter Kenji. Et avant tout ça, c'est les sondages du matin comme chaque jour. Attention, ouais. Ce matin, des sondages spéciaux. Les sondages spéciaux. Les hommes sont bizarres. Ah, tiens, super. Ah, écoutez bien les filles. Okay. 33% des hommes sont persuadés d'être hyper forts à ça. Hyper forts à quoi, Nico? Raconter des blagues? C'est pas ça. En non. Sexe? C'est pas en sexe. En cuisine? En cuisine non plus. C'est quelque chose qu'ils font avec l'autre ou tout oui, seul? Oui, il faut être deux. D'accord. Pas trois, pas quatre, pas un, mais deux. Et c'est physique? Ah, c'est physique. 33% des hommes sont persuadés d'être hyper forts à ça. Bah pour se bagarrer un peu quoi, non? C'est pas de la bagarre. C'est un sport? C'est une sorte de sport, ah. Oui je crois qu'il y a, bah, il y a des compétitions mondiales de ça hein. Ah bon? Ah ouais? Oui absolument, ouais, je vais vous dire ce que c'est. 33% des hommes sont persuadés d'être hyper forts au bras de fer. Ah bah oui. Ah oui. Alors il y a quelqu'un dans l'équipe qui est persuadé, enfin qui était persuadé d'être hyper fort au bras de fer. Il s'appelle Glandu. Ouais, ouais. On a fait un bras de fer il y a quelques mois. Il a eu une tendinite. Ouais, je m'étais blessé. Non, je m'étais blessé. J'ai arrêté 3 mois le sport à cause de ça. Donc j'ai arrêté ce genre de défi con. Et c'était contre moi le défi, donc je suis un peu fier de moi. Ouais, même si j'adore Glandu, hein, je suis un peu fier. Attends, j'avais gagné un bras de fer. Il en avait gagné un par contre. Non, je t'avais laissé gagner. Par contre, un bras de fer. Quoi, t'avais gagné? Non, attends, on va pas s'emballer. Il y a un moment, il y a Nico, il est en forme et toi t'as eu une tendinite. Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait égalité, il y avait un partout. Non, il n'y a pas égalité. Quand t'as abandonné, t'as eu une tendinite. J'ai pas abandonné. Salut. Il m'a boudé. J'ai rangé ma chambre. Ouais. 2 hommes sur 10 seraient prêts à renoncer à une partie de leur intelligence pour avoir ça. Pour avoir quoi, Nico? Plus d'argent. Non, pas plus d'argent. Le sens de l'humour? Non plus. Plus d'amis? Non plus. Une mannequin dans leur lit juste une fois? Non. C'est un truc physique sur eux ou pas? C'est physique. 2 hommes sur 10 seraient prêts à renoncer à une partie de leur intelligence. Pour avoir ça. Ça a rapport avec le zizi? Ah bah totalement, oui. Avoir un plus gros zizi. Bah évidemment. Oh là là, génial. C'est pas possible. Vous vous rendez compte? C'est direct, c'est énorme. Ouais. Mais quand on dit avoir le zizi à la place du cerveau, c'est vraiment vrai. C'est dingue. Ah, des sondages spéciaux, les hommes sont arrêtés. On continue un petit dernier. 13% des hommes ont déjà pensé à mettre leur zizi là-dedans au moins une fois par curiosité. Ça veut dire qu'ils l'ont fait, mais ils ont pensé à le faire par curiosité. Un gant de toilette? Un gant de toilette? Non. L'aspirateur? Des quoi? L'aspirateur? Non. Oh. Non. Non. Une légende. Qui penserait à ça? Non. Ah, une chaussette. Une chaussette non plus. Un trou dans une porte ou un mur, je sais pas. Bah, hein? Je sais pas, me mets dans votre tête. Oui, c'est forcément si tu veux mettre ton zizi dedans, c'est forcément un trou. Ouais, quelque part, mais quel trou? C'est un objet ou c'est un rapport avec un meuble? C'est un objet. Non. Et c'est qu'on a à la maison? Oui, absolument, on l'a à la maison. C'est dans la salle de bain? C'est pas exactement dans la salle de bain. Dans un rouleau de papier toilette? Un rouleau de papier toilette terminé, c'est la bonne réponse. Et vous êtes débile. Ah ouais. 13% des hommes ont déjà pensé à mettre leur zizi là-dedans par curiosité. Attendez, c'est pensé, pas mis. Oui, vous le pensez. Ouais. Mais qui l'a mis? Non. Mais pour rigoler, tu peux le faire. Oui, pour rigoler. Ouais, bien sûr. Mais non. Quoi? Vous l'avez pas fait? Non. Non. tristesse de la scène, les gars. Oh là là. Pour rire. J'espère pas. Bien sûr que non. Pour rire. Ce serait très triste. Et tu déroules le papier toilette comme ça dessus. Ah, ça je sais. Mais... le distributeur. Non. Au secours. Oh là là. Ah là là là là là. La vie des hommes. Vous voyez les femmes ce que vous loupez. Kenji tout de suite sur Energy. Soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon Later bitches. Later bitches. Ah ouais. The Prince Karma, ça arrive pour vous dans 3 minutes sur LRJ. À 7h05, on va doubler votre salaire. Et tout de suite, une seule question simple. Qu'est-ce que vous êtes déjà pris sur la tête? 0870-42-48, vous pouvez nous appeler, Nico. Moi, c'est une étagère d'un meuble que j'étais en train de monter, quoi. Une étagère sur la tête? Ah ouais, chiant, putain, j'étais en train de monter un meuble chez ma belle-mère. Hein? Et c'est elle qui était en train de m'aider à le monter. J'avais dit surtout, Anne-Catherine, tenez-la, l'étagère. Ouais. Elle avait un truc à faire. Elle l'a pas tenue, putain. Mais elle m'est tombée sur la tête. Est-ce que tu te dis pas qu'elle l'a peut-être fait exprès? Ouais. Je sais pas. Elle m'a dit, oh pardon, je suis un peu tête en l'air, je regarde la télé. Ça arrange absolument pas nos relations. Faut pas qu'elle travaille sur les chantiers, elle. Ah, c'est ça. Désolé, j'ai lâché l'échafaudage parce qu'il y avait à la télé un truc qui me passionne. Ils sont où les 200 ouvriers là? Ah, ils sont tombés. Ah oui, on fait attention, oui. Qu'est-ce qui vous est déjà tombé sur la tête, Paulette? Un caca de singe en Thaïlande. Ah ouais? Alors c'est pas mal ça, parce que moi j'ai déjà eu un caca d'oiseau. Ouais. Qui m'est tombé sur la tête, mais un caca de singe, j'ai jamais eu. Comment se fait? Mais je marchais dans la forêt, j'étais venue pour les voir en fait. D'accord. Et je marchais, je les cherchais, j'appelais et tout. Et là d'un coup, paf, le caca sur la tête. Alors que bah voilà, moi je les ai pas vus, mais ils m'ont vu. C'est peut-être leur façon à eux de te dire qu'ils avaient pas envie de te voir. Le message est passé, je suis partie. Hein. Ah bah tu vois. Dorothée, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les ouinouins. Bienvenue sur Énergie, Dorothée. Qu'est-ce que tu t'es pris sur la tête? Alors moi je suis infirmière et en me relevant chez une patiente, je me suis pris le papier attrape-mouche dans les cheveux. Ah. Oh. Il y a encore des gens qui ont des trucs attrape-mouche là, t'as l'impression, les rouleaux collants là? Ouais. Oui, c'est ça, les rouleaux collants. Oh. Et du coup, oui, il y en a plein qui en ont parce qu'apparemment c'est le produit qui marche le mieux, sauf que du coup j'avais plein de cheveux dans les mouches et le papier tout collant où j'ai dû tirer dessus. Oh, ah ouais. Oh là là. Merci de cette belle histoire et en vous souhaitant évidemment un bon appétit. Merci de nous avoir appelé, Dorothée. Qu'est-ce que vous êtes pris sur la tête, Isabelle? Moi, c'était ce week-end quand on est rentré de Cannes dans l'avion. Il y a une valise à roulettes qui m'est tombée sur la tête. C'est-à-dire qu'au moment où moi, je suis passée pour sortir dans le couloir de l'avion, il y a un mec qui a tiré sa valise et bim, il l'a lâchée au moment où je passais. Ça fait hyper mal une valise à roulettes sur la tête. Bah oui. Je sais pas, faudra essayer. On a Elodie au téléphone. Bonjour Elodie. Bonjour Manu, bonjour les Wawa. Qu'est-ce que tu t'es pris sur la tête, Elodie? Alors moi, c'était lors du mariage de ma cousine, il y a eu un lâcher de colombes. Et quand les colombes se sont envolées, il y en a une qui est venue vers moi et je me la suis pris en pleine tête. Oh merde. Oh dur. Ah ouais. Mais... je vous rassure, elle va bien. La colombe, ah ouais. Oui. Mais comment ça se fait que la colombe, si elle lâche, elle a repiqué vers le bas, elle a foncé? Ben en fait, moi j'étais pas loin et quand il l'a lâché, elle voulait tellement partir, s'envoler rapidement qu'elles n'ont pas capté et il y avait ma tête au milieu. Bon. Ah ouais. Ah ouais. Ah dur. Mais ouais. C'était une colombe qui voyait très mal, quoi. Ah peut-être. Peut-être, effectivement. Elle avait pas une canne blanche. Oh. Oh, c'est triste. C'est triste pour tout le monde. Ouais, c'est dur. Ouais. Du coup, c'est peut-être un signe que c'est pas toi la prochaine mariée. Voilà. Non, ça doit être ça. Merci de nous avoir appelé, Elodie. Glandu, l'histoire de qu'est-ce que tu t'es pris sur la tête? Ouais, j'ai pris un cul. Sur la tête. Quoi? Voilà. Un cul. Ouais, une paire de fesses. Je faisais un twister avec des amis et il y a la paire de fesses. Attends, rassure-moi, il y a longtemps? Non, il n'y a pas si longtemps. C'était il y a quoi? Il y a 3-4 mois? Mais pourquoi? Non. Tu fais encore des twisters avec tes potes? Ouais, on fait des twisters de temps en temps. On aime bien les jeux de société en tout genre. Moi, j'adore twister. Toi aussi? Ah bah, j'adore les soirées twister. Tu joues pas? Je veux pas twister. Non, ah bah, j'ai arrêté, ouais, le bah, twister. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un peu plus de 40 ans maintenant. Là, j'aurais dû arrêter. Ouais. Je me suis pris la paire de fesses de mon ami Victor, du coup, sur la tête. C'était un souvenir. Ouais. Il a perdu l'équilibre et paf, ça fait mal. Hein. Ah, ouais, c'est des risques. Hein. Ça t'a fait mal? Un mauvais souvenir. Oui. Mais il a perdu, du coup, au jeu. Ah, bah oui, il a perdu, il est tombé. Ah, alors. C'est Glandu qui a perdu, parce que quand Victor est tombé, il a fait. Et là. Oh, non. Mais non. Franchement. Ça devient de plus en plus difficile de caser des proutes dans l'émission. Donc, bien joué. Là, franchement, tu me l'as offert. Hein. Allez, 6h52. The Prince Karma sur NRJ. À 7h50, double votre salaire. Bon réveil. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. 6h54, bienvenue sur Énergie. Dans 10 minutes, on va doubler votre salaire pour la première fois de la matinée. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com pour vous inscrire. Lady Gaga et Bradley Cooper, le slow du moment. Ouais. Ça arrive pour vous. Ouais. Avant ça, quelques infos. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre. Il y a une journée mondiale. Ouais. Ouais. Journée mondiale de l'utilisabilité. Oula. Alors, qu'est-ce que l'utilisabilité ? C'est une journée pour apprendre aux personnes qui galèrent un peu à utiliser parfaitement les nouvelles technologies. Ah, oh, c'est trop bien. Pour moi ça, Manu. Non, c'est pas pour toi. Là, j'ai dit une journée. T'as eu un an, toi. Ouais. Alors là, j'ai un scoop, les amis. Ouais. Attention. Je vais vous annoncer quelque chose qui risque de vous faire beaucoup de peine. Ah bon ? Voilà. Ah ouais ? Vous voyez Pinocchio ? Bah oui. Ah oui. Ouais. Le bonhomme en bois, là. Machin. Le bonhomme en bois. Avec le nez qui s'allonge quand il ment. C'est joli. Eh bien, c'est faux. Pinocchio n'est pas un documentaire. Pinocchio est bel et bien un conte. Ben, on le savait. Ouais. Ah non, vous ne le saviez pas. Ah bon ? Parce que Pinocchio ne peut pas exister. Bah, c'est-à-dire ? Je vous explique. Mmh. Une nouvelle étude a été réalisée en Espagne qui montre que lorsque quelqu'un ment, le sang qu'il y a dans son nez s'en va. Ce qui fait que le nez baisse de 2 degrés sa température, ce qu'il fait que le nez se contracte, et si le nez se contracte, il devient plus petit. Oh, oh, les gros menteurs. Quand on ment, nez ne peut pas s'allonger. Quand on ment, le nez rétrécit. Donc faut refaire tous les films avec le petit bonhomme qui a le nez qui s'enfonce. Pinocchio, c'est impossible. Oh, c'est nul. Ouais. Je vous l'annonce, oh là là. Ils nous ont menti depuis qu'on est petit. Pinocchio ne peut pas avoir le nez qui s'allonge lorsqu'il ment. C'est physiquement et physiologiquement impossible. Wow, faut voir tous les dessins animés du coup. Non, tous, je sais pas, mais en tout cas Pinocchio, c'est faux. Oh là là. Voilà, sachez-le. Et moi, c'est toute une enfance à me dire, mon nez va grandir si je mens et à pas c'est mentir. C'est faux. Mais c'est pas vrai. L'étude espagnole vient de le montrer. Ah, mais Cendrillon, la citrouille, tout ça, c'est faux aussi, Manu. C'est pas grave, c'est des histoires. Non. On s'en fout. Enfin, ce qui est beau, c'est les petits oiseaux qui se posent sur le nez de Pinocchio. Isabelle, arrête de dire les conneries. Mais non, la citrouille, évidemment. Évidemment qu'il faut rentrer avant minuit. Non, ça, c'est vrai. Mais Pinocchio, c'est faux. Allez, on revient tout de suite sur Énergie. Manu dans le 6-9. C'est Manu sur Énergie. Coé sur Énergie. Au volant de sa voiture, ivre mort, il jette un coup d'œil dans le rétro. Là, il voit trois motards de la police derrière lui. Panique générale. Le seul réflexe qu'il a trouvé, il ouvre la portière, il part en courant. Ouais. Course poursuite, gyrophare et sirène. Les motards le rattrapent, réussissent à le faire tomber. L'homme dit, il refuse de donner son identité. Il dit qu'il est migrant sans papier. Pas parler mot français. D'accord. Et qu'ils veulent lui trouver un interprète. Pas de bol. À ce moment-là, le téléphone que les flics avaient chopé sonne. Et il y a sa mère qui fait, Samuel, c'est maman, tu rentres à quelle heure? C'est cool. C'est à 17h, c'est sur Énergie. Tout le monde connaît son nom. C'est Bumblebee. Bumblebee Transformers. Ou presque. Bumblebee. Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee. Non, Bumblebee. Bumblebee. Le robot le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Bumblebee. Voilà Bumblebee, le 26 décembre au cinéma. Et si l'élégance était éternelle ? DS Automobile présente DS3 Forever. Avec son toit monogrammé DS, ses projecteurs DS LED Vision, sa boîte de vitesse automatique avec palette au volant et sa navigation connectée sur écran tactile, cette citadine produite en France est à la pointe de l'élégance. DS3 Forever, le style est éternel. Jusqu'au 30 novembre, pour l'achat de DS3 Forever, DS Automobile reprend votre véhicule 3000 euros au-dessus de sa valeur. Détails de l'offre sur dsautomobile.fr. Vous, au volant de votre voiture. Vous, qui rêvez déjà d'être en week-end. Et vous, qui n'écoutez pas vraiment cette publicité. Oui, vous aussi. Vous pourriez gagner 335 euros en moyenne sur votre assurance auto. On a tous quelque chose à gagner sur lesfurets.com. Selon une étude Ipsos de mai 2018, conditions sur lesfurets.com. Courtenet, intermédiaire en assurance inscrit à l'Orias. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à une hôtesse de caisse. C'est quoi les tickets d'or ? Avec votre carte U, vous pouvez gagner jusqu'à 250 euros carte U en grattant un ticket d'or. Remis à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U à gagner. 6 ? Non. Si, 6 millions. Eh oui, ça fait beaucoup. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. Et si nous avions tous la peau fragile ? Aderma est la marque de dermatologie végétale à l'avoine Realba, une plante unique issue de l'agriculture biologique française. Aujourd'hui, Aderma lance sa nouvelle huile lavante nutritive Exoméga Control. C'est pour toutes les peaux sèches ? Toutes les peaux sèches qui grattent, du nourrisson à l'adulte. L'huile Exoméga Control nettoie en douceur grâce à sa formule biodégradable riche en ingrédients d'origine naturelle. Parce que si notre peau est fragile, la nature l'est aussi. Aderma, mieux dans sa peau, même fragile. En pharmacie et parapharmacie. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien Danguin adorerait se doter de la fibre pour Noël, pour que sa douce, ses deux ados et lui puissent surfer en même temps sans se disputer. Mais Damien se dit qu'avant qu'on ne la lui installe, il est évident qu'il se retrouvera sans aucun débit. Eh bien Damien, détrompez-vous. Chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet dès l'abonnement et même en cas de coupure grâce à une clé 4G. Profitez-en dès maintenant avec nos offres fibre après Noël. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 1 an, offre soumise à condition hors offre spéciale, éligibilité et couverture 4G sur bouyguestelecom.fr. Amir. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là. Amir, 14 chansons inédites dans un double album collector. Inclus son single Longtemps. Garder des vieux balais d'essuie-glace sur un pare-brise neuf, c'est pas sérieux. En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace avant Bosch sont gratuits. Vous imaginez ? Gratuit. Une promo comme ça, faut pas la rater. Alors profitez-en, c'est jusqu'au 1er décembre. Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur carglass.fr. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h01 qu'on amène le coq. Et qu'on le fasse chanter. Lady Gaga et Bradley Cooper, ça arrive pour vous. On va doubler votre salaire dans 4 minutes et les infos, c'est maintenant. Toute l'actu avec Cyril Courchet. Bonjour, bon réveil, la journée pourrie c'était hier, aujourd'hui retour des éclaircies petit à petit, les dernières gouttes dans le sud-est ce matin pendant que les rayons réapparaissent dans le nord-ouest, ils vont gagner tout le pays d'ici cet après-midi et ce soir, des températures agréables elles aussi, 15 degrés au maximum en Bretagne, 14 dans le Grand Est, 17 en Auvergne-en-Alpes, 21 en PACA. Une journée de commémoration, un hommage sera rendu aujourd'hui aux victimes des attaques terroristes de Paris et Saint-Denis. C'était il y a 3 ans, jour pour jour. Le 13 novembre 2015, 130 personnes étaient tuées au Stade de France, au Bataclan et sur plusieurs terrasses de bars et restaurants parisiens. Aux États-Unis, le pire bilan de l'histoire de la Californie. 42 morts d'après le dernier décompte des victimes des incendies dans cet état de la côte ouest. Et le brasier n'est pas près de s'éteindre, d'autant que les vents rendent le travail des pompiers encore plus compliqué. Au pied du podium, la France est le 4e pays d'accueil. Accueil d'étudiants étrangers dans le monde. 343 000 élèves internationaux chez nous, d'après une étude hier. On est derrière les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie, oui, mais devant l'Allemagne, la Russie, la Chine ou le Canada. Vous pourrez combiner plusieurs modes de déplacement. La plateforme de covoiturage Blablacar va racheter Ouibus, la filiale d'autocar de la SNCF. Ce qui va changer concrètement, c'est que dans quelques mois, vous pourrez réserver un train, un bus et un covoit sur le site oui.sncf. Son super pouvoir à lui, c'était de nous faire rêver. Stan Lee, le créateur de Spider-Man, Hulk ou encore des X-Men, s'est éteint hier à 95 ans. Il laisse derrière lui des milliers de planches comics et de personnages qui ont fait le succès de la maison d'édition Marvel. Pogba, Martial, Lacazette, Benjamin Mendy, tous out. Une hécatombe en équipe de France de foot alors que les Bleus doivent jouer vendredi aux Pays-Bas en Ligue des Nations pour se qualifier pour la suite de la compétition. Didier Deschamps fait donc appel à Sissoko en renfort et convoque pour la première fois Alassane Plea et Ferland Mendy. Un forfait de taille aussi en tennis. Richard Gasquet est blessé. Notre meilleur atout ne pourra donc pas disputer la finale de la Coupe Davis contre la Croatie dans 10 jours. On verra ce que décide Yannick Noah pour le remplacer. Artiste féminine internationale de l'année aux Energy Music Awards, mais pas rassasiée. Ariana Grande bosse dur pour sortir son nouvel album, attendu ce mois-ci. Elle a posté une vidéo hier sur les réseaux sociaux, en studio, avec son prof au piano. Et puis, un carton en salle et dans les bacs également. Plus d'1 million d'entrées en France pour le film A Star Is Born, avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Et plus de 50 000 ventes pour la BO. L'album vient d'être certifié disque d'or. Fin de ce flash, il est 7h04 sur Energy. Bon réveil. Bon mardi, c'est bien sûr Manu dans le 6-9. jeu. Lady Gaga avec Bradley Cooper, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Il y aura aussi le dernier Calvin Harris pour vous avant 7h30. Retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Ouais. Qui va appeler, on appelle automatique quelqu'un aujourd'hui pour lui annoncer que Georges sait qu'il a volé dans un magasin. Oh non. Oui. Oh. Alors qu'il n'a rien volé. Oh là, ouais. Ah bah ça va partir en sucette dès la première phrase, bah je vous l'annonce. Georges, c'est aux alentours de 7h15. Avant ça, il est déjà 7h05. Vite, c'est parti, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Ça prend quelques secondes et tous les matins, on vous appelle pour doubler votre salaire à 7h05 et 8h05. David habite La Roche-sur-Yon, c'est en Vendée. Il a 31 ans et il touche 1 793 € chaque mois. David, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Décroche à La Roche-sur-Yon. Allô David ? Oui. C'est David de La Roche-sur-Yon ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur l'énergie ! Eh ben c'est gagné. Ouais. David, je t'annonce que je vais doubler ton salaire. 1 793 € × 2, ça va faire pour toi, écoute bien, 3 586 €. Wow. Eh ben ça, c'est une bonne chose. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je t'aurais dit que je te file un quignon de pain, t'aurais dit, ah ben ça, c'est une bonne chose. Ah, peut-être pas quand même. Ah, d'accord. J'ai l'impression qu'à ton anniversaire, c'est la fête, toi. Ouais, c'est ça. Ça va, David, ça te fait plaisir quand même. Ça va, mais j'ai bossé toute la nuit là, donc mais je suis super content, super nouvelle. Ah, tu veux dire que là, tu vas aller te coucher, quoi? Je vais y aller. Tu es ouvrier de signalisation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que t'es sur les routes, les autoroutes, c'est toi qui fais tous les panneaux, tout ça? Les panneaux et les marquages, toutes les lignes. Tu mets les plots de signalisation, là, les cônes. T'en as? Oui. Ah. Oui, ça nous arrive. D'accord, parce que j'adore ça la nuit. J'adore les mettre sur la tête. Ils sont lourds. Hein. Comment, David ? Ils sont lourds. Ils sont lourds, hein, je sais pas, mais moi je les mets sur la tête parce que ça fait Gandalf le magicien. Ah ouais ? Vous avez jamais fait ça ? Si. Ah bah si, les panneaux de signalisation dans la rue, tu les prends, tu les mets sur la tête, t'as l'impression d'être un magicien, c'est génial. Ouais, et ça fait haut-parleur aussi. Quand aussi, tu parles dedans, tu exactement, chanter. Bien sûr. Ah non, c'est génial. Il parlait de toi, David, hein. C'est toi le lourd de faire ça, de prendre les panneaux. Le lourd ? Non, j'ai pas entendu qu'il disait le lourd. Non, bon, il disait c'est lourd. C'est vraiment lourd, David, de faire ça ? Ah, les gros cônes, oui, sont lourds. Donc, ah non, c'est les cônes qui sont lourds. Ah, oui. Pardon. Et c'est toi, David, qui a posé les panneaux de limitation à 80 km/h, là, les nouveaux ? Non. C'est les départements qui ont géré leur modification des panneaux. Ah bon, c'est non, moi, je vais gérer tout ce qui est les chantiers en création, les nouvelles routes, les nouveaux contournements. Parce qu'il paraît, David, que les mecs qui mettaient les panneaux de 80 km/h, les gens qui passaient en voiture, en fait, ils les insultaient, les pauvres. Ouais. Mais c'est pas de leur faute, les mecs, ils mettent juste le panneau. Bah ouais. Ils ont rien choisi. Impossible. David, on te double ton salaire. 3 586 €, ça arrive très vite pour toi. Et ça peut vous arriver, vous aussi. Il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com. Lady Gaga et Bradley Cooper tout de suite pour vous. Soyez les bienvenus, on démarre la journée ensemble. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself I'll never meet the ground. Bienvenue sur Énergie. On va s'écouter Calvin Harris. Il y a aussi trois cafés gourmands qui arrivent. Avant ça, quelques infos. Ah oui. Yes. Est-ce que vous avez peur des cafards? Ah ouais, je déteste. Ah ouais. Ok. Selon une nouvelle étude française, les cafards seraient en fait autant dégoûtés par nous que nous le sommes par eux. Ah ouais. C'est une étude qui a prouvé ça. Les cafards trouvent les humains sales. Bah alors pourquoi ils nous envahissent? Je ne sais pas. Nous on va pas les emmerder chez eux. On les dégoûte mais ils viennent chez nous. Ils sont pas logiques les cafards. Non. Ouais. On dirait mon ex. Bon. Oh non, c'est pas sympa. C'est moche. Non, à comparer. Non. C'est pas sympa. Ah non, c'est pas sympa pour moi. Non, pour elle, pour elle. Ah bon, c'est bon. Sexe et lecture. Mm-hmm. Oh. Ah ça on aime bien. Un sondage français a posé cette question à 1000 personnes. Qu'est-ce qui vous aide à mieux dormir, le sexe ou la lecture? Ah. Pour la majorité des hommes, alors c'est très étonnant, le sexe. Okay. Et pour les femmes, la lecture. Le sexe ne fait aider à dormir que 4% des femmes. Bah, c'est sûr, moi la lecture ça m'endort très très très vite le soir. Alors que le sexe, moi ça me donne après envie de manger, envie de sortir, envie de discuter. Ah non, bah après le sexe, mais nous les hommes on pouf. Mais c'est pour ça qu'on n'y arrive pas les gars. Ouais. On n'est pas en lien avec elle. Elle peut faire les deux en même temps. Ah ouais. Bah c'est pratique. On fait l'amour, vous lisez. Mais non. Tristesse absolue de la situation. Ouais. Allez, on va enchaîner tranquillement. Oui. Calvin Harris arrive dans 3 minutes sur Énergie. Et c'est Georges aussi qui est de retour, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Il va appeler quelqu'un pour lui annoncer qu'il sait qu'il a volé dans un magasin. Alors que la personne n'a pas volé dans un magasin. Elle part au quart de tour en 4 secondes. Ouais. Manu dans le 6-9. fond. Salut, c'est Trois Cafés Gourmands. On veut du Clonie Musette à en perdre la tête. Manu, les Trois Cafés Gourmands, c'est pour nous, mais l'addition, c'est pour toi. Oh. Dommage. On va s'écouter les Trois Cafés Gourmands. On va essayer de se les écouter avant 7h30. Tout de suite, les amis, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, c'est nous qui l'avons. Et c'est chez vous qu'elle appelle. Aujourd'hui, Georges appelle une personne pour lui annoncer qu'il sait qu'il a volé dans un magasin. Mais qu'a-t-il volé? A-t-il vraiment volé? Écoutez. Allô ? Bonjour, ceci est un message automatique de votre supermarché. Bonjour madame, monsieur, oui. Vous avez volé dans notre supermarché. Et quel supermarché ? Quel supermarché ? Et j'ai volé quoi ? Article, volé, un clou. Madame, monsieur, allez, dites-moi que vous êtes et arrêtez vos bêtises, va. Oh les mains, peau de lapin. Écoutez, là, comment vous allez maintenant, vous commencez à aller trop loin. Qui vole un clou, vole un chou. Écoutez, attends, laisse, écoutez. Avouez. Écoutez, j'étais poli, correct, honnête jusqu'à là, maintenant vous commencez à me casser les pieds. Qui vole un clou, vole un caribou. Non mais vous commencez à m'énerver. Qui vole un clou, vole un genou. Voleur. Ça veut dire quoi ça? Non mais dis donc, vous me traitez pas un voleur là? Mais vous me traitez pas un voleur, d'accord? Oh, il s'est énervé. Un caribou, il a craqué. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France sera évidemment le retour dès demain à la même heure. Calvin Harris, tout de suite sur Énergie. Et juste après, on va parler de sondages qui commencent toutes par un Français sur 5. Ah oui. Nous sommes 5 dans le studio. On verra qui est le Français sur 5. Un Français sur 5 ne répond pas volontairement au SMS tout de suite, par flemme. Aïe. Qui est celui-là dans l'équipe? La réponse, ben c'est dans 3 minutes. Il va avouer, et je sais qui c'est. Hein, Nico? Bon bref, on en parle dans 5 minutes. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. No promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I'm here now, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. No promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. Bon réveil sur Énergie, 7h21, on va écouter DJ Snake dans un instant. Et tout de suite, j'ai les sondages, mais pas n'importe quel sondage. Ils commencent toutes par un Français sur 5. Nous sommes 5 dans le studio, Isabelle, Nico, Paulette, Glandu et moi. qui est le français sur 5 dans ces sondages. Ouais. Peut-être qu'il n'y en aura pas. On va voir. Mais je les ai choisis, normalement, il y en a tout le temps. Un français sur 5 ne répond pas volontairement au SMS tout de suite par flemme. Qui est-il? Allez, vas-y Nico. Et ouais, c'est moi, je crois. Je crois, mais à part ceux de ma femme, les SMS, je peux pas répondre tout de suite, quoi. Quand je reçois un SMS, c'est moi qui décide de quand je suis prêt à répondre. T'es chiant. Ah ouais, mais je le vis mal. C'est comme les appels. Les appels et les SMS. Ouais. À chaque fois, tu veux pas. J'aime pas ça, en fait. Je me dis, voilà, ok, si c'est hyper urgent, la personne rappelle ou m'envoie plein de SMS. Ouais, mais c'est relou de devoir t'appeler 4 fois pour que tu comprennes que c'est urgent. Ah bah, dans ce cas-là, on m'écrit un SMS, vite, c'est urgent, quoi. Ouais. Je répondrai. Bah, avec Nico, je fais le combo SMS appel. Ah ouais, t'es chiant, toi tu m'agresses, quoi. Ouais, mais il craque au bout d'un moment. Je vais t'appeler. Oh là là. Ouais. Un Français sur 5 aura du mal à sortir avec quelqu'un si ses pieds ne sont pas beaux. Mmh. Bah, c'est moi alors, je crois. Ah ouais. J'ai un problème avec les pieds, moi. Ouais. J'aime pas voir les pieds. Mais tous les pieds, même tes pieds à toi, quoi. J'aime pas mes pieds. C'est ouf. Mais non, j'aime pas les pieds de façon générale. À la plage, t'es en Converse, quoi. T'es le seul à être en short et en Converse. Ouais, j'ai des Converse assez stylées aussi. Mais dans les faits, tu fais comment? Tu demandes à la fille, enlève tes chaussures. Je regarde pas. Ah ouais? Mais au premier rendez-vous, tu vois, elle a des chaussures, tu vois pas. Ah bah, il y a les premiers rendez-vous, des fois, en été, tu vois, hein. Ah, bah, tu vois les pieds, quoi. Du coup, toi, l'amour en chaussettes, ça te dérange pas, quoi? Non, c'est cool. Le délire chez vous. Un Français sur 5 a déjà eu une érection au mauvais moment. Ah. Ça m'est arrivé, moi. Bon, on t'écoute. Ça m'est arrivé au collège. Au collège, on était à la piscine avec toute la classe et j'ai eu un début d'érection au bord du bassin. Donc, super gênant. Je me dis, je vais me faire voir par tout le monde. Et donc là, j'ai couru et j'ai sauté à l'eau. C'est en mode bombe. Et du coup, j'ai pris 2 heures de colle. Oh, ouais, à cause de ça. Mais on t'a pas vu. Ouais, j'ai pas dit dans l'eau. Non, j'ai pas dit, ouais, j'avais une érection. Ouais, non, évidemment. Non, je peux pas remonter. C'est ça. Je peux pas remonter, je bande. Un Français sur 5 a déjà fait semblant d'avoir oublié son portefeuille pour ne pas payer ou partager une addition. Oh non. Personne. Personne, évidemment. Non, vraiment, on se demande bien qui est ce Français sur 5. Ouais. Bah, c'est pas nous. Un petit dernier. Un Français sur 5 est tatoué ou l'a été. Qui est tatoué? Ah ouais. Qui l'a été? Moi, je suis tatoué, moi. C'est sur le poignet gauche. Truc de famille, là. Ouais, exactement. J'ai 5 traits qui symbolisent les 5 personnes de ma famille. Du coup, mes parents, mon frère, ma soeur et moi. Parce qu'on est hyper unis dans la famille. Oh, ouais. C'est beau. Ah, c'est joli. Et vous avez tous les 5 traits? Non, alors moi, j'ai les 5 traits. Ma soeur a une étoile, donc 5 branches. Mon frère a un pentagone, 5 côtés. Okay. Et mes parents, ils ont écrit 5, juste. Ah ouais. C'est beau. Ils avaient plus d'idées. Ouais, ils ont pris tous les objets à 5 faces. Ouais, c'est ça. On va écrire 5. Ouais, moi, je vais écrire 5. C'est beau. Ouais. 7h24, 3 cafés gourmands tout de suite sur Énergie. Bon réveil. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage. La voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, sur les monuments. dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. 7h27 dans 10 minutes sur Énergie. On va vous offrir la console de jeu de votre choix. Nous allons jouer au meilleur jeu radio du monde. Ça s'appelle le jeu des 5 mots. Vous ne le connaissez pas? Bon, vous ne le connaissez pas. Eh bien, vous allez le découvrir. 0870 42 48. On va écouter Amir. Il y aura DJ Snake. Ça arrive tout de suite. 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. Entendez le double hit Énergie avec deux titres de David Guetta à la suite. Appelez Énergie 3937 et gagnez votre voyage, votre fête et votre rencontre. Avec David Guetta à New York. Énergie, hit music only. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous remarquez que votre déco a l'âge du Père Noël, nous, on vous propose les dernières tendances. Du sapin à la table de fête. Pour une atmosphère naturelle, chic ou art déco à petit prix. Conforama. Jusqu'au 24 décembre, conditions en magasin sur conforama.fr. Et voilà, vous nous avez élu meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Alors chez Atoll, on aimerait dire merci. Au petit William qui a cassé ses lunettes 7 fois et toujours avec le sourire. À Camélia, la plus matinale de nos clientes. À Paul, le plus tardif. Et à Alice, qui a besoin de l'approbation de tous nos conseillers avant de choisir. Merci à tous. Si nous le pouvions, Atoll vous élirait meilleur client de l'année. Et pour fêter ça, Atoll vous offre pour Noël un cadeau de grande marque pour tout achat d'une paire de lunettes. Atoll, mon opticien. Voir conditions magasin, dispositif médical CE. Nouveau Peugeot Partner, maîtrisez l'impossible. Transporter des charges lourdes et rester agile, c'est possible avec les caméras arrière et latérale et l'indicateur de surcharge. Nouveau Partner, à l'épreuve de vos défis professionnels. Découvrez le nouveau Peugeot Partner et le véhicule utilitaire de l'année 2019 à partir de 139 euros hors taxes par mois avec banquette multiflex et entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km, premier loyer 2155 euros hors taxes sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur professionnel.peugeot.fr. La Poste Mobile présente l'immanquable Noël. Immanquable ? Pourquoi ? Parce que le forfait 60 gigas sans engagement est à 9,99 euros par mois à vie au lieu de 18,99 euros par mois. À vie ? Oui, à vie, avec la maxi remise box plus mobile. Ça, c'est cadeau. Jusqu'au 26 janvier 2019, à La Poste Mobile, pour toute souscription à Inbox, ne manquez pas notre forfait SIM 60 gigas à prix magique. Rendez-vous en bureau de poste. Remise appliquée à vie à compter de la deuxième facture mobile qui suit l'activation des deux offres box et mobile et sous réserve de ne pas résilier l'offre box. Voir conditions sur lapostemobile.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Roulez en Peugeot maintenant. Commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de partir à l'aventure avec le SUV Peugeot 2008, et si vous êtes impatient de sortir des sentiers battus avec son grip control, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre SUV Peugeot 2008. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur Peugeot.fr. Intersport. Avant, les Martins préféraient passer leurs après-midi en famille bien au chaud. On alternait entre les jeux de société, les jeux de cartes et surtout les puzzles. Mais depuis qu'ils sont allés chez Intersport... On alterne entre accrobranche, randonnée et sortie en forêt. Chez Intersport, du 12 au 18 novembre, équipez-vous pour le froid. Profitez de moins 20% sur les vestes et les blousons hommes-femmes-enfants. C'est 20% de réduction et 100% d'aventure en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Mardi, il est arrivé un truc fou à Kevin. Il a été aspiré par un vaisseau extraterrestre. Si, si. Mais le plus fou, c'est que Kevin avait dans les mains une pizza large Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur 2012.fr. Soko, cuisine équipée. Cuisine en 6 lettres. C-A-D-E-A-U. C'est cadeau. Du 7 au 30 novembre, Soko vous offre 150 euros par tranche de 1000 euros d'achat. Et ça, c'est so wow. Soko, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur Soko.com. Soprano. Soprano. Découvrez son nouvel album, Phoenix. Manu dans le 6-9. 6h-9h30 sur Énergie. Juste après DJ Snake et Selena Gomez, on va jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix. Wow. À propos des consoles de jeux, ouais. J'ai eu un éclair de génie hier soir. Ah. Oh. Vas-y. Je vous raconte ça après les infos, soyez patients. Un éclair de génie. Okay. Wow. Toute l'actu avec Cyril Courchet. Bonjour à tous, une franche amélioration côté météo après la pluie d'hier, les éclaircies pour aujourd'hui et le reste de la semaine aussi. Elles reviennent par le nord-ouest ce matin avant de s'étendre tranquillement sur le reste du pays jusqu'au sud-est cet après-midi et ce soir. Le mercure en profite lui aussi jusqu'à 15 degrés aujourd'hui dans le Calvados, 15 aussi dans l'Ain et en Dordogne, 22 en Corse. Hugh Jackman, Tom Holland, Robert Downey Jr. au ciné, ils interprètent Wolverine, Spider-Man et Iron Man également. Ils ont tous rendu hommage à leur père créateur Stan Lee, décédé hier à 95 ans à Los Angeles. C'est lui qui a donné la vie au super-héros Marvel, d'abord en bande dessinée et ensuite sur grand écran. D'ailleurs, il faisait des apparitions dans les adaptations ciné. Dans le reste de l'actu, en France, une journée du souvenir. En ce 13 novembre, des commémorations se tiennent en hommage des victimes des attaques terroristes de Paris et Saint-Denis. Il y a 3 ans, 130 personnes étaient tuées au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses de plusieurs bars et restaurants parisiens. La lutte contre les contenus haineux et offensifs sur Facebook, la France et le réseau social vont travailler ensemble sur le contrôle des publications. C'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron au Forum international sur la gouvernance de l'Internet. C'est dans 10 jours, le Black Friday le 23 novembre, suivi du Cyber Monday le 26. Des promos en pagaille sur les sites de e-commerce et dans les magasins aussi. Selon une étude, 10 millions de Français vont faire chauffer la carte bancaire à cette occasion. En moyenne, ils prévoient de dépenser 115 euros. Ça fait un total de plus d'un milliard d'euros de ventes à un mois de Noël. Elle a tenté de se faire oublier pour mieux revenir. Après 2 ans de silence, Ellie Goulding s'offre un comeback avec un tout nouveau single intitulé Close to Me. Rien d'improvisé pour la Britannique qui collabore avec Diplo à la production. C'est d'ailleurs la 2e fois qu'elle fait appel au leader de Major Lazer. Elle a pris le temps de nous expliquer pourquoi depuis son studio londonien. Diplo innove constamment et il a l'art de nous surprendre avec des mélodies jamais entendues auparavant. Il puise son inspiration dans plein de genres musicaux différents qu'il découvre sur la route, au fil de ses voyages à l'étranger et à des festivals. Il les reprend ensuite pour faire des titres ultra dansants. C'est impossible de savoir quelle direction il va prendre. C'est important d'avoir des artistes comme lui qui font évoluer la pop. Il ne ressemble à aucun autre producteur. Il est brillant, tout simplement, et c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Voilà pour cette interview signée Morgan Barthélémy et Ellie Goulding. De retour donc avec Close to Me, son 4e album est en préparation. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Il est 7h35 sur Énergie et c'est bien sûr Manu dans le 6-9. On joue au meilleur jeu radio du monde. Ah ouais. Je le dis parce que c'est vrai. Ouais. C'est le jeu des 5 mots. Vous voulez gagner la console de jeu de votre choix, vous nous appelez au 0870 42 48. Ce sera juste après DJ Snake et Selena Gomez. Je vous ai dit avant les infos qu'hier j'avais un éclair de génie. Oui, c'est ouais. Quoi? Hier j'ai joué à la console. Ouais. Ok, jusque là c'est normal. Et j'ai percuté sur le mot console. Mm-hmm. Pourquoi on appelle ça une console? Parce ouais. Qu'on se console. Oh, oh. Mais c'est pas ça si. Je sais pas, ah, mais c'est beau. Mais je me suis dit, oh, c'est beau comme image. Je me console. Ah bah ouais. Ok. Pourquoi? Tu te consoles de quoi? T'es triste à la base quand... Non, mais je trouve ça cool de dire je me console. Ça donne une excuse pour jouer. C'est ça. Tu vois le truc? Mais Manu, si t'as un chagrin, nous on peut te consoler aussi, c'est peut-être plus sympa. Tu pourras jamais aussi bien me consoler que mon jeu vidéo. Waouh. Peut-être dit de la merde là. Passons à autre chose. Oui. J'ai devant les yeux une liste de trucs honnêtement vraiment chelous sur la reine d'Angleterre. Ce sont des vraies infos sur la reine d'Angleterre, écoutez bien. Ouais. La reine d'Angleterre voyage toujours avec une poche de son propre sang. En cas d'urgence, s'il fallait lui faire une transfusion rapidement. Ah oui, et le président des États-Unis, c'est pareil. Dans sa grosse limousine, là, il a toujours une poche de son sang aussi, ouais. Ah ouais. C'est incroyable. Si jamais. C'est vrai que c'est important, faut que ce soit rapide, quoi. Oui, parce qu'ils ont plus de risques, je crois, de se faire tirer dessus que nous, par exemple. Nous, pas besoin d'une poche de sang, quoi. Ah oui, merci d'avoir donné l'idée maintenant. Ouais. Bravo. On enchaîne. La reine d'Angleterre n'utilise que des glaçons sphériques. Elle trouve que les glaçons carrés, ça fait un bruit désagréable. Elle préfère utiliser des glaçons en forme de boule. Waouh! T'imagines le niveau que tu atteins quand tu peux dire à tout le monde: non, moi les glaçons seront en forme de rond. Et puis le mec qui est préposé à faire ces glaçons-là, quoi. Tu vois, t'imagines, il fait un stage avant, il doit apprendre et tout comment faire. Bah oui, bien sûr, évidemment. C'est un vrai métier, quoi. La pression. Et puis il y a un frigo américain sur mesure, du coup, qui lui fait des glaçons ronds, quoi. Wow. Non, il y a un glacier. Hein. Ah, il y a un mec à Buckingham Palace qui lui fait que les glaçons. Ah, oui. La reine d'Angleterre interdit au personnel d'ouvrir les fenêtres du palais de Buckingham, justement. L'intérêt, c'est que le bâtiment paraisse toujours parfait de l'extérieur. Pas de « Oh, la fenêtre est ouverte là-bas ». Ouais, mais ça doit sentir le renfermé là-dedans. Ah, je pense aussi, ouais. Ah ouais, si elle fait une raclette, c'est tendu, quoi. La reine d'Angleterre se balade toujours avec un crochet pour suspendre son sac. Elle refuse qu'il soit posé au sol. Elle a raison, parce que c'est plein de bactéries par terre. Et c'est vrai que c'est bien de l'accrocher ça. Tu lèches ton sac à main, toi. La reine d'Angleterre ne mange jamais de framboises ou de mûres en public pour ne pas avoir de grains coincés entre les dents. C'est logique. C'est vrai que c'est compliqué, ça fait tout de suite le buzz. Hein. Ouais. La reine d'Angleterre qui sourit, là, t'as un peu de salade, un peu de poulet. Et enfin, dernière info sur la reine d'Angleterre, elle possède son propre distributeur automatique de billets. Sérieux ? Il est au sous-sol du palais de Buckingham pour qu'elle n'ait jamais à aller en ville au distributeur. C'est génial. Mais je pense que même pas elle qui y va. Bah non. Quand on est à demander des glaçons sphériques, franchement, tu crois que tu vas au distributeur ? Je pense pas. 7h38, dans 3 minutes, on joue au meilleur jeu radio du monde, le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix. C'est juste après DJ Snake et Selena Gomez sur NRJ. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va el va. Oh, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the limit. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. Careful when you come through my way. My body already know how to play. The work can keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, I'm si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bienvenue sur Énergie, il est 7h41, attention! Avant d'écouter Amir, nous avons un beau cadeau pour vous, puisque c'est vous qui allez le choisir. Ouais. La console de jeu de votre choix. On joue comme chaque matin au jeu des 5 mots. Fabien, bonjour! Ouais, salut Manu, salut Wouin! Salut! Hello. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Fabien? Une PS4 Pro, franchement. Eh ben franchement, je te comprends. Ouais. Et franchement, on va tout faire pour te la faire gagner, cette PS4 Pro. On va jouer ensemble au jeu des 5 mots. Et tu vas jouer ce matin avec Paulette. Ah, Paulette, salut. Paulette sort du studio. Les règles, je les rappelle. Attention, Paulette est dans le couloir. Ouais. Elle n'entend plus ce qui se passe. Je vais te donner 5 mots, Fabien. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Okay. Ensuite, je fais revenir Paulette. Je fais pareil avec elle. Dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. La PS4 Pro, elle arrive très vite pour toi. Ok ? Allez, ça marche. Ok. Fabien, c'est parti. On joue au jeu les 5 mots. Timide. Nain. Personnage. Homme. Caméra. Vidéo. Tour. Château. Crayon. Papier. Oh là là là là. Efficace. Oh là là là là. Non, c'est pas mal. Ouais, ça va. C'est bon, attends. Maintenant, le plus dur est à venir. Paulette. Ouais. Oh non, Manu, arrête. Commence pas. On l'a fait revenir. Attention, c'est parti. Paulette est de retour. Vous rigolez, ça va? Oui. T'as très bien. Ouais. Okay. Fabien, pas. Un mot pour encourager Fabien. Paulette. Là, faut tout donner. Là, faut tout donner. C'est pas ce que j'appelle encourager, ça. Mais bon. Ok, je vais tout donner, t'inquiète. Non, non, non, c'est possible, c'est possible. Allez, ouais. Ok, ok. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Timide. Gêné. Fabien avait dit nain, le nain timide. Ouais. Grincheux, timide, tout ça. Ah, mais... d'accord, ben ouais. Oui. Eh ben, il allait chercher loin. On continue, il reste 4 mots. Ok. Personnage. BD. Fabien avait dit homme. Ah, ben oui. 3 mots. Ok. Caméra. Film. Oh. Aïe. Fabien avait dit vidéo. Ouais, c'était pas loin. Ah, pas c'était loin, pas loin, c'était pas loin, c'était pas loin. Allez, allez, allez. Attention, nous sommes à plus de la moitié, il reste 2 mots. Fabien, un autre mot d'encouragement peut-être? Allez, allez. Fabien, je pense que t'es pas le genre de mec à être sur le Tour de France à encourager les mecs. Hein. Non, mais je suis stressé là en fait, je suis. Je fais tout ce que je peux, je te jure. Il reste 2 mots, on y va. Ok. Tour. Immeuble. Ah, Fabien avait dit château. Ah ben, on n'est pas dans la même... Allez, si, si. Partie. Un mot. Crayon. Papier. Ouais. Fabien, c'est gagné, waouh! Ah, j'y croyais pas. Mais là, on avait creusé, et en fait, on arrivait vraiment de l'autre côté de la Terre, donc du coup, ça a gagné. Waouh! Un mot en commun, il suffit d'un mot en commun pour gagner, et c'est fait. Bravo Fabien, tu repars avec la console de jeu de tes rêves, la PS4 Pro, elle arrive très vite pour excellent, toi. Excellent, merci Manu, super. Bravo à toi, belle journée. 7h45, le jeu des 5 mots. C'est le meilleur joueur du monde. Oh oui, du suspense, de la tension. Il revient demain évidemment à la même heure. Amir tout de suite et juste après, on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui les écoute et qui les partage avec nous. Et la vie de Paulette risque de changer aujourd'hui à tout jamais. Ah ouais, ah ouais. Et ça va nous faire du bien à tous. La vie amoureuse? Ah ouais. C'est médical, c'est d'ordre médical. De quoi? Non, attends, tu me fais hyper peur. Non, médical, le cerveau peut-être. Peut-être, il y a peut-être un rapport. Il y a un rapport avec le cerveau? Vous allez voir. Mais vous me faites peur. Non, mais c'est positif, ça va nous faire du bien à tous et à toi aussi. D'accord. On écoute vos messages juste après Amir sur Énergie. Bon réveil. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. 7h48, bon réveil sur Énergie. À 8h05, on va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. On va s'écouter Drake dans 2 minutes et avant ça, on lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et on écoute tous les messages que vous nous envoyez sur l'application Malu dans le 6-9. Vous pouvez nous envoyer des messages vocaux, n'hésitez pas. Nico lit tout, Nico voit tout, ouais. Nico écoute tout et Nico partage avec nous. Et hier vers 7h, Manu t'a demandé aux filles de compléter cette phrase: mon mec adore quand. Oui, on a appris des choses très cheloues sur tout le monde. Ouais, c'est ça. Et sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9, il y a Marion qui nous dit: mon mec adore quand je fais le GPS avec une voix sexy. C'est rigolo ça. Pas mal ça de le faire. Faire le GPS avec une voix sexy. Ouais. Oui, j'ai fait ça une fois pour désamorcer une dispute avec mon amoureux, ça marche super bien. Ah ouais. Mais pourquoi tu fais le... comment tu désamorces? Je comprends pas le concept de faire une voix GPS. Bah regarde, en fait, si tu sens qu'on va s'engueuler, donc tu coupes le GPS et tu fais au rond-point, prenez la première à droite. Continuez. Tout droit. Ouais. Tu vois, fais des petits trucs comme ça. Le prends pas mal. Hein. Le prends pas mal, Isabelle. Quoi? Vraiment, le prends pas mal ce que je vais dire. Je vais mettre mon GPS. Je le prends mal, voilà. Il y a un autre message de Pauline là, qui va te faire plaisir, Manu. Elle dit: mon mec adore quand je lui charge la manette de la console avant qu'il arrive du boulot. Oh, ça c'est bien, ça. C'est joli ça. Oh, c'est incroyable qu'elle fasse ça. Beau cadeau. Ah ouais. Beau cadeau. Mais elle charge la manette du jeu, c'est-à-dire qu'elle se donne le bâton pour se faire battre. Hein. Ouais, mais elle aime ça apparemment. Ah bah apparemment elle aime ça. Oui, ça qu'elle est simplement comblée. Oui, c'est ça. Moi je peux pas faire les deux en même temps. Bon, j'enchaîne. Mon mec adore quand... Il y a Olivia sur Facebook qui dit: mon mec adore quand je rigole et que je fais le cochon. C'est mignon. Ouais, en public c'est un peu relou, mais... Et un dernier petit message de Sandrine qui dit: mon mec adore quand je mange des carottes en imitant le lapin. Wow. Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est aussi, mignon. C'est bizarre. Ouais. Ouais, chelou. Ouais. C'est bizarre. Je connais aussi une nana, moi, elle dansait en faisant le lapin. Ah, oh, c'est sympa aussi. C'est rigolo. Ouais. Mais ça, voilà, c'est rigolo. C'est tout. Oui, ouais. C'est tout. Non, je le dis, c'est pas super sexy, quoi. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est une bonne copine. Ouais. Bon, tous les matins, on écoute aussi les messages vocaux que vous nous laissez sur notre application Mail en 6-9. Et on commence en guise d'amuse-bouche avec un message qui sert à rien. Salut les ouin-ouin. Bah, c'était juste pour tester le micro. Allez, merci, au revoir. Ah mais ça, c'est, mais voyez comme quoi quand on vous dit qu'on on écoute tous les messages que vous envoyez, on les écoute tous. Pour une fille maintenant qui a un gros souci à l'école. Manu, j'ai un problème dans ma classe. Il y a une fille qui s'appelle Léa et elle essaie tout le temps de me piquer mon amoureux. Qu'est-ce que je peux faire? Oh là, elle est énervée. Alors, tu vois, quand une fille essaye de te piquer ton amoureux, qu'est-ce que tu peux faire? Ça, c'est un problème de fille. Ouais. Isabelle? Moi, je pense qu'il faut aller lui parler à la récré, puis lui dire clairement, je l'aime, laisse-moi la place, sois mignonne, quoi. Non, moi, je jouerais plutôt l'indifférence. Et il reviendra vers elle, c'est sûr. Ou pas. Ouais. Merci de votre aide. Hein. Vraiment, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages parce que, comme vous pouvez vous en apercevoir, on vous aide. Hein. Radical. Bon, là, attention, il est possible que ce message vocal lance une vraie histoire. Paulette, réveille-toi et écoute bien. Salut Manu, salut les Ouin-Ouin. Alors, un message un petit peu spécial pour Paulette, parce que j'ai entendu dans l'émission que vous dites souvent qu'elle a tendance à dormir toute la nuit, à être en retard, à pas réussir à se réveiller. Et ben, moi, j'avais le même problème. Et je suis allée voir un médecin du sommeil, j'ai fait des examens et j'étais diagnostiquée avec une maladie qui s'appelle l'hypersomnie idiopathique, qui est un peu comme la narcolepsie et qui ressemble beaucoup à ce que tu as, Paulette. Alors je t'encourage à aller chez le médecin, notamment le médecin du sommeil, et à faire des examens parce que c'est pas normal. Mm-hmm. Bisous. Alors... C'est alarmant quand même. Ah non, c'est pas grave, elle a l'air de bien le vivre. Il y a une solution. Mais c'est peut-être. Tu te rends compte, parce que si vraiment t'as ça. Ça justifierait tout. En fait, nous, quand on te dit, mais on en a marre que tu dors, on en a marre que tu sois en retard et tout ça, en fait. T'es malade. Ouais, t'es malade. Puis je pourrais rappeler, tu sais, les anciens boulots où j'ai été virée parce que je me suis pas réveillée. Leur dire, les gars, des excuses quand même. Alors, t'es malade et relou. Ouais. Donc, il faut le faire. Il faut qu'on trouve. Alors voilà, 7h52. Si vous êtes médecin, que vous êtes en train d'aller au golf. S'il vous plaît, prenez le temps de nous appeler. Bah oui. Peut-être que vous êtes spécialiste du sommeil. Il y a des cliniques du sommeil aussi. Mais oui. Je dis qu'il faut, il faut le savoir. Bah oui. Il faut, voilà, je le dis. Non, mais là, il faut savoir si Paulette est malade ou pas. Ah bon, es malade dans le cerveau. Mais est-ce que vraiment le fait qu'elle veuille dormir tout le temps, etc., est-ce qu'elle a le truc que la nana a dit? Mais parce que oui, vraiment, je contrôle pas le truc. Hein. Je m'allonge et ça part. 0870 42 48. Appelez-nous, envoyez-nous un message sur Twitter un message vocal sur l'application Manu dans le 6-9. Si vous pouvez aider Paulette et nous aider. Eh oui, on va sauver tout le monde. Si le faites pas pour elle, faites-le pour nous. S'il vous plaît. Qu'on trouve si oui ou non, s'il faut faire des examens, s'il faut aller je ne sais pas où dans une clinique du sommeil pour la tester. Nous irons jusqu'au bout pour sa Paulette. On va la filmer en train de dormir, ça va être rigolo. Ça va être rigolo, exactement. Tu sais quoi, je suis même prêt à payer les frais médicaux. C'est vrai. Ah oui, non, mais pour que t'ailles dormir 15 jours ailleurs. On compte sur vous. Ne laissez pas tomber une femme qui est prête à craquer et qui dort 12 heures par jour. Drake tout de suite. The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options, 'cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump and confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, 'cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. That black card in the code to the safe. Code to the safe, code to the safe, safe. I show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? 'Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Yeah. 7h56, bon réveil sur Énergie. On va revenir dans 3 minutes avec les infos. On va s'écouter Big Flo et Oli. Et on double votre salaire à 8h05 pour la deuxième fois de la matinée. Soyez les bienvenus, on revient tout de suite. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. C'est Manu et les ouin, ouin, ouin du matin. Manu dans le 6-9. Énergie. Coué sur Énergie. L'homme qui ne s'est pas appelé couscous. C-O-U-C-O-U-S. Non, non, non. C-O-U-C-O-U-S. Eh ben c'était non. L'homme qui ne s'est pas appelé couscous. Ça fait coucous. Je me suis rendu compte. Ça fait choucous. Oui, parce qu'il a l'habitude, il réduit les portions maintenant. Non, je prends pas un couscous, je prends un couscous. Parce qu'un couscous, c'est moins de calories qu'un couscous. C'est Coé, c'est à 17h. C'est sur Énergie. T'as vu la nouvelle Ford Focus SW sur le parking? Oui. Oh, quel coffre! C'est le break avec le coffre le plus large de sa catégorie. La Ford Copilot 360 avec toutes les aides à la conduite, assistance au stationnement sans toucher au volant et aux pédales. Ah, quand même! Et sans oublier le démarrage à distance avec l'application Ford Pass et les commandes vocales avec SYNC3. Oh, la voiture du futur. Comment tu sais tout ça? C'est ma Ford Focus SW. Pendant les Ford Drive Days, faites l'expérience de la conduite du futur en essayant la nouvelle Ford Focus en version 5 portes ou SW. Voir Ford.fr. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Thomas demande à l'accueil du magasin. On gagne quoi avec les tickets d'or? Des euros carte U. 3, 5, 10, 15, 250 euros à verser sur votre carte U. Il suffit de gratter votre ticket remis à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactyle se poser sur leur balcon. Ouais. Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Oh, regarde la girafe. Et le gynocéros. Un gypopotame. Et la gigogne qui fait son lit. Aujourd'hui, c'est un grand J pour Kiko. 20% de remise immédiate sur tous les jouets Kiko. Ça, c'est en ce moment et seulement chez Jouets Club. Voir conditions en magasin. Soko, cuisine équipée. Cuisine en 6 lettres. C-A-D-E-A-U. C'est cadeau. Du 7 au 30 novembre, Soko vous offre 150 euros par tranche de 1000 euros d'achat. Et ça, c'est so wow. Soko, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur soko.com. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement. Pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? C'est chez Lidl ! Ah oui, et on est encore dans la panade. En ce moment, les deux panés de cabillaud sont à 1,39€ au lieu d'1,79€. 1,39€, moins 22% sur les deux panés, ça peut plus durer. Ah bah si ! C'est du cabillaud issu de la pêche durable. Et chez Lidl, 75% des références de poissons sauvages frais et surgelés sont labellisées MSC dans sa gamme permanente. Eh bah on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 6,95€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'au mardi 20 novembre. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés. Salut, moi c'est Geoffroy, Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119€ seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Sur Énergie, découvrez les services d'EDF Entreprises qui simplifient l'activité des pros. Saviez-vous qu'avec les contrats garantis électricité et gaz naturel, EDF Entreprises vous assure des prix fixes jusqu'à 3 ans. Cela vous permet de mieux gérer votre budget et de vous concentrer sur votre activité. Parce que la vie de professionnel est assez compliquée comme ça. Contactez-nous au 3022, service et appel gratuit. Offre de marché réservée aux clients professionnels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kV-ampères pour l'électricité ou consommant moins de 300 MWh par an de gaz naturel. Voir caractéristiques et prix sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Et ouais, c'est bientôt Noël. Et tu sais quoi, le forfait 40 gigas chez Red by SFR, c'est 10 euros par mois. T'aimes bien Noël, toi? Bah ouais. Ah, t'aimes bien Noël? Il y a deux fois plus de monde dans les magasins, tes repas de famille sont deux fois plus longs et après tu te sens deux fois plus lourd. Ah! Mais il y a tout qui double ou quoi? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40 gigas, c'est 10 euros par mois, sans prix qui double au bout d'un an et sans engagement. Ça, c'est Noël. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Le forfait 40 gigas, c'est 10 euros par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 22 novembre 2018 pour tous nos vos clients. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h01 qu'on amène le coq. Et qu'on le fasse chanter. Énergie. C'est peut-être vous qu'on va appeler en direct dans 3 minutes pour doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. On va s'écouter Big Flo et Oli, tout ça c'est après les infos. Toute l'actu avec Cyril Courchet. Bonjour à tous, ça va aller mieux, les éclaircies se cantonnent au quart nord-ouest ce matin avant de s'étendre au reste du pays. Du coup, les dernières pluies dans le sud-est vont partir d'ici cet après-midi. On reste dans la douceur globalement, 15 degrés au maximum en Bretagne, 14 dans le Grand Est, 17 en Auvergne-Rhône-Alpes, 21 en PACA. Le reste de la semaine s'annonce encore bien ensoleillé, même le week-end s'annonce assez beau. 13 novembre 2018, 3 ans après les attentats à Paris et Saint-Denis, un hommage sera rendu aujourd'hui aux 130 victimes. Un cortège reliera le Stade de France au Bataclan en passant par les terrasses des bars et restaurants parisiens visés par les terroristes. Aux États-Unis, le brasier meurtrier continue. L'incendie de forêt dans le nord de la Californie a fait 42 morts selon le dernier décompte macabre. Un bilan tristement historique pour cet état de l'Ouest américain. Les vents rendent la tâche des pompiers encore plus compliquée. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie, il y a nous, la France, quatrième pays en termes d'accueil d'étudiants internationaux selon une étude mondiale publiée hier. Ça fait 343 000 élèves étrangers dans l'Hexagone issus de tous les continents. On est devant l'Allemagne, la Russie, la Chine ou même le Canada. Ça commence à durer. 300 passagers d'un vol Air France Paris-Shanghai partis samedi sont actuellement coincés en Russie. Leur avion s'est posé dimanche en Sibérie après l'apparition d'une odeur bizarre et d'une légère fumée à bord. Il n'y a pas de blessés. Un deuxième avion a été affrété hier, mais alors lui aussi victime d'un problème technique. Du coup, les voyageurs espèrent pouvoir repartir demain. Spider-Man, les X-Men, les Avengers, Iron Man, les 4 Fantastiques, tous ces super-héros de bande dessinée signés Marvel, c'est à lui qu'on les doit. À Stan Lee, le créateur, le scénariste américain est mort hier à l'âge de 95 ans. Et vous l'avez forcément déjà vu puisqu'il faisait des apparitions dans les adaptations ciné des BD. C'est l'hécatombe en équipe de France de foot. Didier Deschamps doit se passer de Pogba, Martial, Lacazette et Benjamin Mendy, tous forfaits. Du coup, le sélectionneur appelle Sissoko en renfort et convoque pour la première fois Alassane Plea et Ferland Mendy. Les Bleus jouent un match capital vendredi aux Pays-Bas en Ligue des Nations. Autre blessé en tennis, Richard Gasquet ne pourra pas jouer la finale de la Coupe Davis contre la Croatie dans 10 jours. On perd donc notre meilleur atout. Yannick Noah doit divulguer avant 16h aujourd'hui la liste des joueurs sélectionnés. Buzz l'éclair et Woody sont de retour, alors enfin presque, hein, juste dans le teaser du prochain Toy Story. 9 ans après le 3e opus, on découvre enfin les premières images de ce 4e volet, avec un nouveau jouet d'ailleurs à l'intérieur, une sorte de fourchette. Mais on va quand même devoir attendre l'été prochain pour tout voir sorti du film le 26 juin. Fin de ce flash, il est 8h04 sur Énergie. Bon début de journée, c'est bien sûr Manu dans le 6-9 jusqu'à 9h30. Il est déjà 8h05, soyez les bienvenus sur Énergie, on va s'écouter Kaiser Panda. C'est beau. Ouais. Ça arrive pour vous, il y aura aussi Big Flo et Oli et tout de suite on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Comme chaque jour, 7h05 et 8h05, on vous appelle en direct pour doubler votre salaire. Pour que ça vous arrive, c'est simple, il suffit de vous inscrire. C'est gratuit, pas de numéro surtaxé, pas de SMS surtaxé. Il suffit juste d'aller sur manudansle69.com ou sur l'application manudansle69 ou sur energie.fr. Vous vous inscrivez, ça prend quelques secondes et c'est ce qu'a fait Priscilla. Priscilla habite Chartres, c'est en Eure-et-Loire. Elle a 32 ans et elle touche 1495 euros. C'est son salaire, on va lui doubler. Attention. Allô ? Allô, c'est Priscilla ? Oui. Priscilla de Chartres ? Oui. Ça va ? Oui. Tu te doutes, hein ? Oui. Tu te dis que ça va être toi, là, hein ? Oui. À tout moment, elle peut exploser. Attention. Priscilla, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Marie sur LRG ! Il fallait que ça sorte. Merci. Priscilla, 1495 euros, c'est ton salaire. On va le doubler. Écoute-moi bien, tu vas recevoir 2990 euros. Merci. Oh, t'es tout ému, Priscilla. Oui. Ça va? Oui, ça va. On peut dire que Priscilla est du matin, hein. Elle a la pêche très tôt quand même. Oh, enfin, ah bah oui, je suis au taquet. T'es réveillée depuis longtemps? Depuis 6h30 à peu près. Ah ouais. Je vous écoute tous les matins, donc... Mais tu travailles déjà là ou t'es encore chez toi? Non, je suis encore chez moi là. Ah oui, t'es du matin mais tu prends ton temps. Ouais, voilà, c'est exactement, c'est ça. D'accord. Priscilla, 2990 euros, on va doubler ton salaire, ça va arriver très vite chez toi. Tu es responsable chez Calzedonia. C'est ça, tout à fait. Alors, je ne connais un pas. Un magasin de collants. C'est un magasin de l'hiver, l'automne-hiver, on fait des collants, des chaussettes et des leggings. Et l'été, on fait des maillots de bain. C'est rigolo, ouais, ça. Ouais. Ouais. Selon la saison, vous vous adaptez, vous ne faites pas du tout les mêmes trucs. Exactement, okay. Bah, en fait on reste sur la même base, c'est du lycra. Et donc c'est pour ça que l'été c'est les maillots de bain et que l'automne-hiver c'est les collants. Okay. Et du coup Priscilla, t'auras peut-être la réponse. Pourquoi c'est si cher les collants? Mais c'est pas cher chez nous. Il faut venir chez nous. On a bien compris. Et t'as une technique pour pas les trouer? Alors la plupart du temps quand on les... Enfin je sais que moi la première quand je les trouve par exemple c'est au bout du pied. Donc, faut mettre tout simplement une petite chaussette de protection pour pas les trouver. C'est vrai que quand tu sors, tu sors, tu mets ta plus belle robe, il est collant. Une petite chaussette de tennis par-dessus. Mais non, mais c'est, Manu. C'est toujours glamour. Dans une bottine. Ta bête. Écoutez, je veux pas rentrer dans la discussion. Priscilla, on double ton salaire. 2990 euros, ça arrive très vite pour toi. Bravo. Merci, je vous adore. Continuez, hein. Eh ben, ah oui, on va continuer. Ouais. Priscilla, on continue parce qu'il y a des gens comme toi qui tous les matins mettent 3 heures pour se réveiller. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est là. On t'embrasse fort. 8h08. Il suffit de vous inscrire pour que ça vous arrive aussi. Vous allez sur energie.fr, Manu dans le 69.com et tous les matins, 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Dans 3 minutes, c'est les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Il y a pire que nous dans le monde. La preuve avec 3 histoires que je vous raconte après Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Tu connais, non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Dis T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Bienvenue sur Énergie. Dans 20 minutes, vous allez peut-être partir avec 10 000 euros. Wow, wow. Le son à 10 000 euros et le retour, le principe est très simple. À 8h30, on vous fait écouter un son. Ouais. Ça a commencé hier, il n'a pas encore été trouvé. Ce son, vous l'écoutez, vous le découvrez, vous nous appelez et vous gagnez 10 000 euros. C'est aussi simple que ça. Restez bien avec nous, on vous le fera écouter, ce sera à 8h30. Avant ça, voici des gens improbables. Des gens improbables qui font des choses improbables. Ça s'appelle les cocons du jour. Et c'est maintenant. Ouais. Allez. Nous démarrons au Zimbabwe. Ah ouais. Une femme attaque là-bas son ex en justice. La raison, son trop grand zizi. Quoi ? Écoutez bien ce que la femme raconte. Le trop grand zizi de son ex lui aurait élargi le tralala. Oh. Non. Elle doit du coup faire de la chirurgie et elle lui réclame 8000 euros. Et elle dit, je cite la femme, aucun homme n'a réussi à combler l'espace qu'il a laissé. Oh et c'est bizarre. Il y en a un qui peut se la péter, quoi. Oui, mais sauf que c'est pas vraiment la vérité après, apparemment. Parce qu'en fait, la vraie histoire, ce serait que le mec était marié. Il a quitté cette femme pour retourner avec sa femme. Ah. Et du coup, elle ferait tout ça par vengeance. Oh, non. Ah. Alors moi, je suis à la place du mec. Honnêtement, je préfère l'histoire du trop grand zizi. Autre cocon du jour, ça se passe aux États-Unis. Un homme est en train de rouler très vite sur l'autoroute, il arrive devant une voiture de police. Ouais. Mm-hmm. La voiture de police le voit arriver et là, le mec commence à klaxonner. La voiture de police se demande ce qui se passe, c'est quand même bizarre. Et là, le mec les double et il trace. Oh. Donc les policiers font, mais c'est quoi ce taré ? Et ils mettent la sirène, hop, c'est parti pour une course-poursuite. Il s'arrête pas. Jusqu'au moment quand même final où ils arrivent à l'arrêter, ils l'arrêtent. Et là, il dit, pour expliquer ce qu'il vient de faire, non mais c'est parce qu'en fait, je voulais pas être en retard au travail. Oh. Ah ouais. Alors il a pas été en retard parce qu'il n'y est jamais arrivé. Dernier concours du jour, une histoire totalement improbable qui s'est passée aux États-Unis. Un homme est entré par effraction dans un zoo muni d'une fourchette. Il est rentré dans la cage des guépards et avec sa fourchette, il a commencé à proférer des mots sataniques. Ouh là là. En ordonnant aux guépards de manger le gardien. Non, c'est pas vrai. Alors, étonnamment, les guépards l'ont regardé sans rien faire. La police est arrivée et là, il leur a lancé la fourchette dessus. Mais non, là, là. Les policiers l'ont tasé parce que c'était dangereux pour tout le monde, y compris pour lui, tout ça. Et ils l'ont embarqué. D'accord. Franchement, quand il est bourré, Tarzan, il est relou. Oui. 8h14, on revient tout de suite. On va s'écouter Kaiser Panda. Ça arrive dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil. Manu dans le 6-9. Oui, c'est Manu et tous ces ouin ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Music only. One more man is enough. But if you got it all, Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Oui, c'est vrai qu'à un moment, Karine Le Marchand avait une belle carrière, elle faisait l'amour est dans le pré, et puis après, la chute, et puis maintenant elle fait notre jingle. Ouais. Les amis, j'ai une question à vous poser, j'ai besoin de femmes. Ouais. Et plus précisément de maman. Ah, présente. Ben voilà. Alors, j'ai besoin que vous nous appeliez au 0870 42 48. Pour tout simplement avouer que vous n'êtes pas la meilleure maman du monde. Non mais c'est vrai, c'est pas facile d'être maman. Bah oui. On fait de son mieux, mais parfois on n'en peut plus. Parfois on est épuisé. Parfois on craque. 0-870-42-48. Venez avouer pourquoi vous n'êtes pas la meilleure maman du monde. On ne vous jugera pas. Quand même. Venez vous le raconter. Ouais. On vous prend au téléphone dans 3 minutes, juste après Kaiser Panda sur Énergie. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo no. Oye, la fiesta a ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama, estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú dos ven, esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami no quieren. Sé que prefiere, mami tu cuerpo no miente. La gente me echa, Bogotá para rumbear y Bogotá para danzar. Hemos llegado todos ya, Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y baile. La gente me echa, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pura, vamos a romper. Hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta. Bienvenue sur Énergie. On a 10 000 euros pour vous qui arrivent à 8h30 pile. Ah, c'est le retour du son à 10 000 euros. On va vous faire écouter un son tout à l'heure, juste avant les infos. Ouais. Vous le trouvez, vous nous appelez au 0870 42 48. Si c'est ça, vous repartez avec 10 000 euros, c'est aussi simple que ça. C'est dingue. Ça va se passer à 8h30. Avant ça, attention, les mamans, on les aime. Oui. Les mamans sont les êtres les plus magnifiques du monde. Ah, merci. Mais, attends, j'ai pas fini. Parfois, il faut l'avouer, vous n'êtes pas la meilleure maman du monde. Et ça, ça nous intéresse. Ah. 0870 42 48, je vous ai demandé de nous appeler pour nous dire à quel moment, vous le savez, oui, vous n'avez pas été la meilleure maman du monde. Camille, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les mamans. Salut. On t'écoute. Alors moi, je suis la pire maman du monde parce qu'en fait, j'ai envoyé ma fille en sortie scolaire sans pique-nique. Du coup, elle a dû partager le sien avec une copine que je ne connais pas. Tu as oublié son pique-nique. Bah ouais, la sortie scolaire surtout. C'est dur. Ah ouais. Putain, elle a été sympa la copine de prêter le pique-nique. Hein. Bah oui, puis en plus tu te fais juger par les autres. Ah ouais, c'est ça. Bah, la maîtresse, c'est horrible. Ah, horrible, horrible, horrible. Quelle mère indigne, mère ingrate. Arrête, on va te retirer ta fille. Camille, on a dit qu'on ne vous jugeait pas. Merci. Mais essaye quand même de lui faire à manger au moins une fois par jour. Voilà. Merci de nous avoir appelé, Camille. Lucie, bonjour. Salut Manu, salut tout le monde. Tu as été à un moment, bon, pas la meilleure maman du monde. Tous les jours en fait, parce que moi je fais croire à mes enfants que je ne sais pas utiliser la cafetière pour qu'ils me fassent mon café. Et mais j'ai aperçu que j'abusais un peu quand mon perroquet il a commencé à dire « Hugo, fais-moi un café ». Alors attends, t'as un perroquet chez toi, et à c'est force ça. Qu'il t'entende dire « Hugo, fais-moi un café », il le répète. C'est ça. Oh non. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est grosse, grosse flemme quand même. Ouais, t'invites des amis à la maison et là le perroquet a dit ça, c'est vrai que t'es dans la merde quoi. Tu te fais juger par les amis. C'est pour tout le monde comme ça. Ah ouais. Écoute, Lucie, effectivement, mais apparemment t'as l'air de bien le vivre. Hein, donc, Oui, ça va, tout à fait. Hein. Oui, c'est de l'esclavage. Hein, on voit ça, t'es très détente. Merci de nous avoir appelé. Alors non. Non, alors Lucie, on ne fait pas les enfants pour qu'ils passent notre café. Mais bon, là pour le coup, on va vraiment appeler Merci de nous avoir appelé. Isabelle, tu n'es pas parfois la meilleure maman du monde. Et non, évidemment, comme toutes les mamans. Alors, pas plus tard qu'hier soir, tu vois, je lisais l'histoire à mon fils. C'est Sam le pompier, la forêt en feu. Ah. Et en fait, comme j'étais hyper fatiguée. Ah, genre, tu connais Sam le pompier, la maison en feu. Sam le pompier, oui, évidemment. Oui, mais la maison en feu. Non, l'épisode La maison en feu, je ne le connais pas. C'est un des meilleurs épisodes de Sam le pompier. Okay. Alors. Et donc, comme j'étais très fatiguée, je lui ai lu une page sur deux. Tu vois, pour aller un petit peu plus vite. D'accord. Et en fait, à la fin, il m'a dit, j'ai rien compris. Effectivement, c'est le concept de louper une page sur deux. Hein, personne ne peut comprendre. Angélique, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les wawas. Tu n'as pas été la meilleure maman du monde, on t'écoute. Eh ben non, effectivement. Alors, j'ai acheté le calendrier de l'Avent pour mon fils. Et comme je suis gourmande, eh ben, j'en ai mangé une bonne dizaine. Et puis, en fait, je lui dirais que c'est le Père Noël qui les a mangés. Mais non. Excusez-moi, mais attends, j'ai un problème. Camille, Lucie, vous êtes encore là? Oui, on est toujours là. C'est marrant parce que je m'attendais en fait, vraiment, à que vous me disiez, bon, j'ai pas été la meilleure maman du monde, un peu gênée. Mais en fait, vous en avez rien à foutre. Mais c'est incroyable quand même. Oh là. Des bêtises alors de temps à autre, hein, c'est pas très grave. Il faut t'avouer, à moitié pardonner. Hein. C'est génial. En fait, les enfants, c'est vous. Exactement. D'accord. On a des vraies mamans indignes aujourd'hui. Ouais, c'est impressionnant. Ah là, on a mis la barre très très haute. Ouais, c'est génial. Allez, 8h25, on vient tout de suite sur Énergie. On va écouter Bella, CMHD. Et attention, dans 5 minutes pile, à 8h30, c'est le retour du son à 10 000 euros. On va vous faire écouter un son. Si vous trouvez ce que c'est et que vous nous appelez,

les jours carburants. Le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h31 avec une minute de retard. Voici 10 000 euros pour vous. Le son à 10 000 euros. Il est de retour depuis hier matin, 8h30. Ouais. Cela fait 24 heures que vous cherchez à savoir quel est le son que je vais vous faire écouter dans quelques secondes. Ce sont vos 10 000 euros. Il suffit de l'écouter, de découvrir ce que c'est. Et vous nous appelez 0 870 42 48. Écoutez bien, ce sont vos 10 000 euros. Attention, ça va vite. C'est le son à 10 000 euros. Oh là là. Oh là, okay. C'est dur. Je vous le ferai écouter. Il n'y a que moi dans l'équipe qui sait quel est ce son. Ouais. Je l'ai enregistré la semaine dernière. Il vaut 10 000 euros si vous le trouvez. 0 870 42 48. L'actu avec Cyril Courchet. Bonjour à tous, les nuages et la pluie s'en vont, les éclaircies reviennent par le nord-ouest du pays ce matin avant de s'étendre au sud-est dans l'après-midi et la soirée. Le beau temps qui fait grimper le mercure un petit peu, jusqu'à 15 degrés aujourd'hui dans le Calvados, 15 aussi dans l'Ain et en Dordogne, 22 prévus en Corse et les prochains jours s'annoncent tout aussi agréables. C'était le père des super-héros, Stan Lee, le créateur des Avengers, de Spider-Man, des X-Men ou de Black Panther, est décédé hier à Los Angeles à 95 ans. C'est lui qui leur a donné vie dans les comics. Il faisait même des apparitions dans les films Marvel. Beaucoup de réactions à sa disparition et notamment d'acteurs de super-héros au ciné, de Hugh Jackman à Chris Evans en passant par Tom Holland et Robert Downey Jr. Dans le reste de l'actu, une journée de commémoration ce mardi en France. On est 3 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis. Le 13 novembre 2015, 130 personnes étaient tuées par des terroristes au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses de plusieurs bars et restaurants parisiens. Des agriculteurs et des éleveurs touchés de plein fouet, la sécheresse a frappé la France cet été et cet automne aussi. On estime les pertes entre 2 et 300 millions d'euros. 75 départements vont déposer un dossier de reconnaissance de calamité agricole. Ça permettra aux exploitants de toucher des indemnisations. Un conseil au Père Noël, c'est maintenant qu'il doit acheter les cadeaux. C'est ce que révèle en effet un comparateur de prix sur Internet. En étudiant l'évolution des étiquettes l'an passé, les jouets sont moins chers 6 semaines avant Noël. Par exemple, un déguisement pour enfants acheté 30 euros pendant le Black Friday qui est dans 10 jours peut grimper ensuite à 75 euros au moment des fêtes. Personne n'a oublié son nom ni sa voix. À 31 ans, Ellie Goulding fait son retour en musique avec Close to Me, son nouveau single produit par Diplo. La Britannique bosse même sur un nouvel album écrit loin des studios et de la scène. Pendant 2 ans, elle avait besoin de prendre un peu de recul. Plus on passe de temps loin des projecteurs, plus on peut reprendre une vie normale, se retrouver. À force de travailler, on devient blasé de tout, on est épuisé moralement et on ne voit plus le bout. Je n'avais pas envie de composer dans ces conditions, entre 2 concerts et une nuit à l'hôtel. Personne ne peut se projeter dans cette vie-là et moi je voulais écrire des chansons qui parlent aux gens. J'ai aussi passé du temps avec ma famille. J'ai fait des soirées avec mes amis, fêté des anniversaires et je suis même partie en vacances. Pendant quelques années, j'ai enfin pu vivre comme tout le monde. Une interview de Morgan Barthélémy. Ellie Goulding, très occupée depuis ses studios londoniens. Son 4e album pourrait sortir avant la fin de l'année. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Il est 8h35, tout pile. Et c'est Manu dans le 6-9. Il est 8h35, soyez les bienvenus sur Énergie. On va s'écouter The Prince Karma. Il y aura aussi MHD. Ça arrive dans 2 minutes et juste après, c'est les sondages du matin. Un homme sur 2 dit qu'il gardera ça toute sa vie, ou au moins jusqu'à ce que sa copine tombe dessus. Ouh là là, c'est pas beau. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse dans les sondages du matin, ça arrive dans 5 minutes. Et avant ça, il est 8h35, on a 10 000 euros à vous offrir. Le son à 10 000 euros. Il est de retour depuis hier, 8h30. C'est un son qu'on vous a fait écouter juste avant les infos. On va le réécouter maintenant. 0870 70 42 48, vous nous avez appelé parce que vous pensez savoir ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, et si vous nous le dites maintenant, vous gagnez 10 000 euros. Trois chances maintenant de gagner 10 000 euros. Attention les amis, nous écoutons à nouveau le son. Ça va aller très vite. Wow. Quel est ce son? Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. Salut Manu, salut les Wouins. Salut. 10 000 euros pour toi si tu me dis quel est ce son. Alors, je pense que c'est Manu qui claque la porte du frigo après s'être rendu compte qu'il était vide. Oh, c'est une longue phrase. C'est pas ouais. Ça. Aïe, aïe, aïe. Tant pis. Je suis désolé Stéphanie, tu peux nous rappeler. Maxime, bonjour. Salut Manu, salut les Wouins. Bienvenue sur Énergie, Maxime. Quel est le son à 10 000 euros? Alors, pour moi, ce serait toi, Manu, qui est en train d'ouvrir une boîte de jeux vidéo. Non. Ah. Désolé. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Mais pourtant, j'ouvre régulièrement des boîtes de jeux vidéo. Trop, peut-être. Sibella, bonjour. Bonjour, Manu. Salut les Wouins. J'ai 10 000 euros pour toi. Si tu me dis, on va le réécouter. Quel est ce son? Ça va vite, hein. Ah ouais. Ouais. Alors, Manu, je pense que tu agrafes un papier. Ah. Est-ce que tu peux répéter? Je pense que tu agrafes un papier. On écoute le son à 10 000 euros. Oh. Oh. Ah non. Désolé. Ah, c'est dur. Ah non. Oh, le suspense. Je sais. Je sais. Ça fait naître l'espoir. Sibella, tu peux nous rappeler. Vous pouvez nous rappeler. 0870 42 48. Quel est ce son? Il vaut 10 000 euros. Demain, oh là là. À la même heure, vous aurez à nouveau 3 chances de le découvrir et de gagner ces 10 000 euros. Le son à 10 000 euros. Découvrez-le et gagnez 10 000 euros. Je peux faire aussi cette grosse voix. 8h38, dans 3 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent. Juste après le dernier MHD, c'est Bella. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. On démarre la journée tous ensemble. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe. C'est, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Donne-moi un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. They give me dance, now I can't move on. Oh, my girl so sexy. The way she dance so sexy. So she give me love sexy. You making me once more sexy. Girl, with your sexy body, come and chop my money, yo. Aye, aye, aye, aye. Oh, yeah, take all my money, put down for your head. Aye, aye, aye, aye. Make we my yade, go, baby girl, so. Aye, aye, aye, aye. Make you follow me, go make you drop all my money. Elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey, aïe aïe aïe aïe, mon cœur va chiller pour toi ma bella, aïe aïe aïe aïe. Bon réveil sur Énergie. Later bitches. On va s'écouter The Prince Karma. Ça va arriver dans 3 minutes. Mais juste avant ça, voici comme chaque jour les sondages du matin. Allez. Alors attention, Un homme sur deux dit qu'il gardera ça toute sa vie, ou au moins jusqu'à ce que sa copine tombe dessus. Mais qu'est-ce que c'est, d'après vous, Nico ? C'est un truc de quand il était petit ou pas du tout ? Non, rien à voir avec le petit. Un film coquin ? C'est pas un film coquin. Ouais. C'est un caleçon ? Un vieux caleçon ? Non, c'est pas un vêtement. C'est un truc qui a un rapport avec son ex ou pas ? Ah, bah alors c'est... Ah. Alors, pour le coup, là, vous allez faire un grand pas en avant, ça a totalement rapport avec son ex. Des photos ? C'est pas des photos. Le numéro de son ex ? Le numéro de son ex. Ah ouais. Ah ouais. Un homme sur deux le gardera toute sa vie ou jusqu'à ce que sa copine tombe dessus. Je comprends pas l'intérêt de le garder puisqu'il est avec une nouvelle amoureuse. Tu sais quoi ? C'est ouais. comme quand vous avez des bottes trop petites, au oui. cas où. Oh. Ah non, la comparaison. Oh là là. C'est magnifique. C'est pas beau. Non, mais alors, j'ai pas ouais. de meilleure image ouais. pour vous faire comprendre. Hein. Bah, on a bien en compris. En même temps, c'est réciproque, je pense. Hein. Que ce soit les hommes ou les femmes, je pense que ça peut être la même chose. Le numéro de l'ex ? Ouais, le numéro de l'ex. Vous devez regarder. Ouais, il y a des filles qui regardent. Moi, j'ai gardé tous les numéros de mes ex, c'est mes potes. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ouais, l'excuse de c'est mes potes. C'est ça. Non, mais là, il vient en pote. Hein, là, mais... oui, enfin, il est derrière toi. Le... Oui, non, mais c'est en pote, c'est vraiment. Le... Bah, vous êtes nus là. Oui, non, mais on est très potes nus, nous. C'est, oui, mais enfin, il est en toi. C'est bon. Alors on passe au suivant. En moyenne, nous dépensons chaque année 50 euros là-dedans. Dans quoi ? Les bonbons ? Non. Les régimes ? Non plus. Non. Les jeux à gratter ? C'est pas les jeux à gratter. Dans les pommes ? Dans les pommes ? Ouais, 50 euros de pommes chaque année. Manger des pommes ? Ouais, manger des pommes. T'en achètes pas souvent, hein ? 50 euros, c'est beaucoup. Stop, je sens la discussion ouais. sur les pommes. Là. Rien à voir. On continue okay. sur le sondage, s'il vous plaît. En moyenne, nous dépensons chaque année 50 euros là-dedans. C'est un objet ou pas ? C'est que t'achètes ? Non, c'est virtuel. Ah. Les jeux vidéo ? Ça peut être des jeux vidéo. En fait, c'est les applications smartphone. Ah ouais, ouais j'avoue. On dépense 50 euros en moyenne dans les applications smartphone, ah ouais. mais pas que pour les applications, les choses aussi dedans. Ouais. Et en fait, celle où on dépense le plus, c'est iTunes. T'achètes des morceaux. Ah bah oui. Forcément. Mais moi j'ai jamais dépensé 1 euro dans une application. Ah je vais ouais dans, bah ouais, je vais dans l'Apple Store, enfin parce que moi c'est Apple, et je choisis que les gratuites. Et je télécharge toutes les gratuites, même des trucs trop nuls que je comprends pas. Ah tu t'es bien vendu. Une personne sur trois qui en a vécu une en garde un mauvais souvenir. Qui a vécu quoi ? Une rupture brutale du jour au lendemain. Non, oui, ça, forcément, c'est un mauvais souvenir. La mort d'un de ses proches. Oui, non. Non, c'est. A priori, c'est pas, s'il y a un sondage là-dessus, ouais. c'est qu'une personne sur trois, c'est qu'a priori, il y a aussi des bons souvenirs. Mais une personne sur trois qui en a vécu une en garde un mauvais souvenir. T'es seul quand ça t'arrive ou il faut forcément quelqu'un ? Il faut forcément quelqu'un. Ah. Il faut forcément au moins une personne en plus. Une partie de tennis ? Non. Des vacances entre amis ? C'est pas loin de ça, mais c'est plus large. C'est une colocation. Ah ouais. Une personne sur trois qui a vécu une colocation en garde un mauvais souvenir. Ah bon ? Ah bon ? Mais moi je me suis éclaté dans mes colocs. Ouais, c'est ah ça, ouais. moi aussi, ouais. Oh là là, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Mais vraiment ! Ah ouais ! C'est ouais. génial ! Après, t'as des engueulades, t'as des mauvais souvenirs, effectivement, mais quand même, tu te marres, quoi. Ah ouais, globalement, c'est que de la déconne. Bah ouais. ouais. C'est les meilleures années, moi je trouve qu'en plus, il faudrait vivre en coloc toute sa vie avec plein de gens dans une grande maison. Mais, mais oui. Bah oui. Mon rêve, moi, c'est carrément d'avoir. Imagine une énorme propriété. Ouais. Et chacun a sa maison. Ah ouais. Et chacun va chez tout le monde et tout. Et au milieu, t'as un énorme truc où on peut manger, où on peut faire des raquettes géantes et tout ça. En mode le village d'Astérix, quoi. Ouais. Putain, c'est avec ça. Le buffet à la fin. C'est ça. C'est ça ce que je veux. Ouais. Okay. Vous savez quoi, les colocs, c'est un bon sujet. Venez nous raconter votre histoire de colocation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. 0 870 42 48. Quelle est votre histoire de colocation? On vous prend au téléphone juste après The Prince Karma. 8h45, bienvenue. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Oh. later, bitches. Bienvenue sur Énergie. Imagine Dragons arrive dans un instant. Le nouveau s'appelle Natural. Et avant ça, on parle de colocation. Ouais. Une personne sur trois qui a vécu une colocation en garde un mauvais souvenir. Ouais. Quelle est votre histoire de colocation? Parce que moi, je n'ai que les bons souvenirs de coloc. Ouais. Ah ouais. Ah, alors, ouais. Je n'ai que les bons souvenirs, mais je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas refaire ce que j'ai fait. Mais quand j'étais en coloc, c'était en mode je m'en bats les couilles de tout, je bouffais que de la merde, je faisais rien. Ouais, il n'y avait pas de ménage, c'était une catastrophe. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que c'était bon. C'est vrai que c'est quand même... Et le truc, c'est qu'à chaque fois que j'étais en coloc, il n'y en avait aucun pour sauver l'autre. C'était à celui qui fera le moins de trucs. Non, mais vraiment. Ouais. Je me rappelle une fois, je dois partir en vacances. Ouais. Ok, il y avait de la vaisselle dans l'évier. Je me dis, oh putain, j'ai la flemme de la faire, je me barre, il la fera. Ouais. Je pars en vacances et je lui mets un mot. S'il te plaît, fais la vaisselle, je file, rendez-vous dans une semaine. Je reviens une semaine après, j'arrive dans la cuisine, il m'avait laissé un mot, je ne l'ai pas faite, je pars une semaine à toi. Ah et ça a duré pas l'escalade. Oh, je ne l'ai pas faite. Mais non. Voilà. Et on l'a faite à deux et on a attendu 15 jours dans les vieux le truc. Oh les gamins. Voilà pour moi mes histoires de colocation. Ouais. Quelles sont les vôtres, Paulette? Moi j'étais en coloc avec trois potes, ça a été ma plus grosse coloc parce que j'en avais fait pas mal. Mais celle-là, énorme crémaillère de dingue. On a invité 120 personnes. Vu qu'on était 4. Mais vous 4, étiez dans combien de mètres carrés? L'appart était immense, c'était un plan de malade cet appart. Il faisait je crois 200 mètres carrés. Ah oui. Ah. Voilà. Mais c'était un plan de... Mais on était 4, hein. Oui, on était 4 à payer le loyer quand même. Donc crémaillère de ouf et tout. 120 personnes. Moi je les compte au bout d'un moment, les gens, je me dis c'est un truc de malade. Et le lendemain matin, je découvre mon ordi portable en train de sécher sur un radiateur. Donc ça c'était une mauvaise surprise. Oh là. En fait, il avait flotté pas mal de temps dans la soirée dans de l'alcool quoi. Donc un mec s'est dit tiens, je vais le faire sécher sur le radiateur. Je me sens mal, Ouais. Non, Paulette, c'est pas possible. Donc ça, c'est ton histoire de coloc. Et après après, Paulette nous dit régulièrement, hein, quand même, les mecs, franchement, vous me faites pas un peu passer pour une alcoolo. Je demande gentiment, racontez-moi votre histoire de coloc. La seule histoire que tu me trouves, c'est un mec de l'alcool sur ton ordinateur. Écoute-moi, à un moment, je ne peux plus lutter. Hein. Il y a un moment, t'es poivreau. Oh, Vanessa, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Bienvenue sur Énergie. Quelle est ton histoire de colocation? Alors moi j'étais en coloc avec une nana et je me suis rendu compte qu'elle utilisait en fait mes serviettes de toilette. Donc je trouvais ça ultra dégoûtant et du coup j'ai fini par toutes les cacher. Mais pourquoi tu lui as pas dit tout simplement arrête de prendre ma serviette? Ben en fait je l'ai pas vu au départ, c'était un petit peu humide parfois, etc. Et lorsque je lui ai dit, on s'est un peu pris la tête et je me suis rendu compte qu'en fait elle en avait rien à faire et du coup je les ai toutes cachées. T'avais bien choisi ta coloc, j'ai l'impression. Hein. Ça devait vraiment être ta meilleure amie. Hein. Merci de nous avoir appelé Vanessa. Mais alors c'est marrant parce que dans la salle de bain il y a toujours ce truc là de c'est mon savon, c'est ton savon, ouais. C'est ton shampoing, c'est et bah c'est pareil stressant. Que l'histoire que je vous ai racontée avec une autre coloc avec un autre pote, pareil la flemme de racheter les trucs. Il y a un moment, qui va aller acheter le gel douche? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Ouais. Oui. Eh, parce que quand t'es en coloc, c'est a priori t'es jeune, t'as pas trop de thunes et tout, donc t'en as vraiment à acheter un truc. Et ben pareil, on ne voulait pas lâcher l'histoire. Mm. Donc en fait, on avait le gel douche, à chaque fois, on rajoutait un peu d'eau dedans. Et tu secoues pour avoir un peu de truc. Mais au bout d'un moment, c'est que de la flotte. Et là, tu passes à l'étape d'après qui est, tant pis, je me lave au shampoing. Oh mais non. Oh là, on poussait, putain. Vos histoires de coloc glandu. Ouais, j'en ai fait plein et j'ai niqué moi le coup d'une de mes colocs. Parce qu'en fait, un soir, elle ramène un garçon dans l'appartement. Et Niquer le coup, c'est UP. Niquer le coup, ouais. Oui, hein, d'accord, je croyais le coup. Le coup, elle ramenait d'accord. un mec, elle espérait aller plus loin avec lui. Mmh. Et elle s'absente, elle dit je vais faire pipi. Donc elle s'en va faire pipi. Là, j'étais en train de jouer à FIFA, le jeu des vidéos de sur console. Et je propose au mec, tu veux pas faire une partie? Et donc on a commencé à jouer à FIFA. Et du coup, elle, eh ben, elle allait se coucher et s'est endormie. Oh. Et du coup, voilà, nous on a fait quelques parties de FIFA. Le relou. Les jeux vidéo sont plus forts que tout. La meilleure histoire. 8h51, Imagine Dragon sur Energy Natural. Bon réveil. You hold the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. Bienvenue sur Energy dans un petit quart d'heure. Ouais. Retour des infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et on les écoute les réponses. Et, oui. Ah ouais. Et on se dit, tiens, pourquoi on s'était pas posé la question? On sait pourquoi quand on entend la réponse. C'est dans 15 minutes, on va s'écouter Maître Gim sur aussi le dernier DJ Snack. J'aimerais quand même qu'on parle quelques instants de la mort hier de Stan Lee. Ah oui. À 95 ans, Stan Lee, vous le connaissez tous, c'est celui qui a créé 90% des super-héros Marvel. Ouais. Spider-Man, Hulk, les X-Men, les Avengers et plein d'autres. Ouais. Moi, je disais Strange quand j'étais petit, quoi. Ouais. Spider-Man. Ouais, bah oui. Spider-Man, qu'est-ce qu'il y a pour là? Tu vois pas? Non, Strange, je sais pas ce que c'est. Le Strange, c'était à l'époque. À l'époque. ça existe encore, c'est les comics américains. D'accord. Où t'avais plein de BD qui se suivaient d'histoires de Spider-Man, de Hulk, les Avengers et tout. Au départ, avant des films et des dessins animés, c'est une BD. Ouais. D'accord. Et c'est Stan Lee qui a inventé ces BD. C'est Stan Lee qui a inventé. Le mec, il a inventé un univers. Ouais, c'est comme le Tolkien et le Seigneur des Anneaux. Ce mec, mec est un génie. Ouais, voilà. Ouais. C'est lui qui a inventé le repos des parents, quoi. C'est quand ils en avaient marre des enfants, c'était tenez, lisez ça. Et on passait les heures à lire dans notre coin. Mais exactement. C'est trop cool. Donc merci à toi, Stanley. Ouais. Waouh. Spider-Man. Non, j'ai metté la toile d'araignée. Ouais. Bel hommage que je viens de rendre. C'est Maître Gims et ça arrive pour vous juste après les infos de 9h. Bon réveil sur Énergie, on revient tout de suite. Manu dans le 6-9. On est aussi sur Twitter. @Manu dans le 6-9. Énergie. Koé sur Énergie. Louane a besoin de vous aussi. Elle est nommée pour Énergie Music One. Et faut pas voter que pour moi, faut voter pour mon chat aussi. J'ai trois chats. J'ai un chat qui s'appelle Abou, un chat qui s'appelle Raja, un chat qui s'appelle Nuage. Du coup, comme j'ai eu deux NMA, il y en a un pour Abou. Pas mal la petite chanson. Il y en a un pour c'est Abou. C'est vraiment parce que c'est toi, ce serait quelqu'un d'autre qui a raconté. Il y a eu un NMA pour Raja, mais Nuage, il a pas de NMA. Bien sûr. Voilà, il faut un NMA pour Nuage. On a partagé un bon moment là. C'est Koé. C'est à 17h. C'est sur Énergie. T'as vu la nouvelle Ford Focus SW sur parking? Oui. Oh, quel coffre! C'est le break avec le coffre le plus large de sa catégorie. La Ford Copilote 360 avec toutes les aides à la conduite, assistance au stationnement sans toucher au volant et aux pédales. Ah, quand même! Et sans oublier le démarrage à distance avec l'application Ford Pass et les commandes vocales avec Sync 3. Ah, la voiture du futur. Comment tu sais tout ça? C'est ma Ford Focus SW. Pendant les Ford Drive Days, faites l'expérience de la conduite du futur en essayant la nouvelle Ford Focus en version 5 portes ou SW. Ford.fr. Avec le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos. Vous savez, pour mes petits neveux, le goûter après le foot, c'est sacré. Après l'effort, le réconfort, Michel. Exactement. Pour le réconfort, j'ai quelque chose pour vous et surtout pour eux. Pendant le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos. Par exemple, jusqu'au 25 novembre, il y a 50% d'économie sur la carte fidélité sur le pot de Nutella. Je vais leur faire des bonnes tartines. Ah, ils sont gâtés, vos neveux. Carrefour Market. Le pot de 1 kg, voire modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous, au volant de votre voiture. Vous, qui rêvez déjà d'être en week-end. Et vous, qui n'écoutez pas vraiment cette publicité. Oui, vous aussi. Vous pourriez gagner 335 € en moyenne sur votre assurance auto. On a tous quelque chose à gagner sur lesfurets.com. Selon une étude Ipsos de mai 2018, conditions sur lesfurets.com. Courtenet, intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS. Machine de verre et d'acier, elle débarque sur Terre pour sauver notre monde. Ses super pouvoirs, caméra de recul, démarrage sans clé, connectivité avancée, maniabilité optimale, optique LED. Découvrez les super pouvoirs de la nouvelle Skoda Fabia Clever à partir de 99 € par mois. Offre avec 1 000 € de prime à la conversion et 3 000 € de remise déduite jusqu'au 31 décembre 2018. Location longue durée à particulier, 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 1 295 € sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur skoda.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, it music only. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien Danguin est décidé. Décidé à s'offrir du très haut débit. Mais à deux doigts de Noël, il ne faudrait pas que cela dévore son budget, car il est aussi bien décidé à distribuer multitude de cadeaux à sa famille. Eh bien Damien, bonne nouvelle. Le Père Noël vous a entendu. En ce moment, chez Bouygues Télécom, profitez d'un Noël inoubliable avec la fibre à seulement 17,99 € par mois pendant un an, puis 32,99 €. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 1 an, offre soumise à conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Salut, moi c'est Geoffroy, Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119 € seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Vous êtes abonné à un